Pindi magenjambi njambiye, mabunda mago pindi magenjambi njambiye. Mabunda mago pindi mi mapepa. Magenjambe, magenjambi njambiye, mabunda mago pindi mi mapepa. Magenjambe, magenjambi njambiye, mabunda mago pindi mi mapepa. Mabunda mago pindi. Mabunda mago pindi magenjambe njambiye, mabunda mago pindi magenjambe njambiye. Mabunda mago pindi mi mapepa. Magenjambe, magenjambi njambiye, mabunda mago pindi mi mapepa. Magenjambe, magenjambi njambiye, mabunda mago pindi mi mapepa. Ipendai. Ipenda, unyimani mani eguda, utombono za timo nyenge. Ipenda, ipenda, unyimani mani eguda, utombono za timo nyenge. Ipenda, ipenda, unyimani mani eguda, utombono za timo nyenge. Ependai, ependa, unyimani mani eguda, utombono za timo nyenge. Ependai, openda, unyimani mani eguda, utombono za timo nyenge. Ependai, openda, unyimani mani eguda, utombono za timo nyenge. Tata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie mukadikadie. Mobongo angadie mukadikadie. Tata nzambe, mobongo angadie mukadikadie. Mobongo angadie mukadikadie. Mobongo angadie mukadikadie. Tata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie mukadikadie. Tata nzambe, nzambe, nzambe. Mobongwanga die mukadikadie. Soyez tous salués. Que Tétan Mwanga, l'être suprême, créateur des cieux et de la terre, nous apporte ses bénédictions. Alors, pardonnez-moi. Nous sommes déjà en retard, veuillez me pardonner. Et je tiens à vous remercier déjà d'être tous rentrés. Oh, Merci à la régie, merci pour tout. Et veuillez me pardonner pour le retard, je vous en prie, pardonnez-moi. En réalité, ceci devait avoir lieu il y a de cela près de 34 minutes. Je n'ai peut-être pas des excuses, mais je dois quand même m'exprimer, m'excuser, vous donner les raisons. Pour ceux qui sont avec moi aux États-Unis, ils savent que les impôts, ce qu'on appelle le tax, filing the tax, donc quand vous allez... déclarer la déclaration des impôts, normalement c'était depuis le 15 avril qu'on devait finaliser le tout. Mais à cause du corona, ça a été prolongé au 15 juillet et du coup, j'avais complètement oublié de déclarer les impôts de ma petite structure. Par contre, les impôts de l'État pour lesquels je travaille, non, ça, il n'y a pas de problème, j'ai déclaré ça depuis longtemps, mais j'avais complètement oublié et il a fallu finalement que les gens m'appellent, mon avocat et tout ça là pour éviter. Pour ceux qui le savent, parce que quand vous devenez citoyen américain, pour maintenir votre citoyenneté, il y a des choses, il faut pouvoir, les conditions qu'il faut remplir. Premièrement, il faut payer vos impôts pendant tout le reste de votre vie, même si vous partez chez vous au Gabon ou bien je ne sais pas au Congo, il faut toujours payer vos impôts. Vous devez les déclarer. Et de deux, quand vous ne déclarez pas les impôts pendant 5 ans consécutifs, ça c'est la loi américaine, eh bien, on peut vous retirer votre nationalité. Et ça, je ne veux pas tomber sous le coup. Et deuxièmement, il ne faut pas faire partir de la fraude, c'est-à-dire tout ce que vous faites, vous déclarez. Par exemple, le baobab, vous avez remarqué sur l'affaire du baobab, quand je vous ai donné le compte PayPal, vous devez faire vos versements, c'est bien écrit, dans l'email, c'est bien écrit, le PayPal sous le baobab et NGO. Baobab NGO veut dire qu'au niveau de l'État ou au niveau du gouvernement fédéral, ou gouvernement local, Baobab est reconnu comme une organisation non gouvernementale. Okay? Organisation non gouvernementale, NGO. Ça veut dire que l'argent que vous faites rentrer, je serai obligé de déclarer l'année prochaine. Mais quand je déclare, il faut que j'exhibe le document qui m'a été donné par les autorités ici, là, lorsque je suis allé déclarer sous le Baobab. C'est ainsi que je serai exempté des impôts. Mais si je ne démontre pas un document quelconque, eh bien, je vais être poursuivi pour fraude et autres. Donc, il y a beaucoup de choses hein, dans ce pays de l'oncle Sam. Il faut suivre la loi de près. Donc, veuillez me pardonner. C'est un peu ça qui a expliqué mon petit retard. Bien, nous allons rentrer droit au but du sujet. Comme je vous ai promis, je vais parler moins. Et rassurez-vous, je tiens mes paroles. Je vais parler moins et vous permettre de poser des questions sur cette thématique-là. Bon, maintenant, si cette thématique ne vous préoccupe point, il n'y a pas de problème. On va finir le live et puis voilà, chacun rentre chez soi. Déjà, il se fait tard. Moi, est-ce que je me trompe? En ce moment, il est 21h48 au Gabon, 22h48, bientôt 23h en France. Alors, je vais m'assurer que je dois vous libérer avant minuit. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes sous cette affaire de Corona-là. Fermez chez vous. Donc, le thème d'aujourd'hui, rassurez-vous que ce n'est pas quelqu'un qui m'a contacté. Non, pas du tout. Ce n'est pas un livre que j'ai lu quelque part. Non, pas du tout. Et comme je vous l'ai dit, moi, tous mes sujets, je ne me prépare pas. Je ne me prépare pas, mais ce sont les génies, parfois, qui m'inspirent au cours de mes méditations. Je vous ai toujours recommandé, tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui me suivent dans mes enseignements, je vous ai toujours recommandé que la règle numéro une de tout initié, c'est de toujours méditer. Merci beaucoup. Pardonnez-moi, j'ai oublié la tradition usuelle. Tous ceux qui sont rentrés avant moi dans notre Njimba, ici dans le temple du savoir, veuillez tous accepter toutes mes excuses, s'il vous plaît, et soyez tous salués. Bonsoir à tous. Ceux qui me suivent depuis le Gabon, qui me suivent depuis l'Europe, et j'ai des amis donc qui me suivent en Chine, car en Chine, en ce moment, il est presque 5 heures du matin. D'accord? Et il y a des amis qui me suivent également en Russie. Merci beaucoup pour tous ceux qui me suivent à travers le monde. Donc, le sujet d'aujourd'hui, il est très important. Je parle de l'aliénation spirituelle de l'homme noir. Pourquoi ai-je pris ce titre? Vous pouvez rectifier, hein? Vous pouvez changer. Hein? Le français n'est pas ma première langue, hein? Je vous avise. J'aurais aimé aborder ce sujet en langue gallois, parce que le gallois reste toujours ma première langue. Même si je fais 50 ans aux États-Unis, je n'oublierai jamais le gallois. Pourquoi? Parce que mon grand-père Oumoubié et ma grand-mère Sandjia me parle tous les jours dans le vieux gallois. Et ce mec-là dont je vous parle, mon grand-père Oumoubié, lui, il était né en 1879. Je répète, il était né en 1879. Et ma grand-mère Sandjia, quand elle était sur Terre, elle était née en 1884. 1884. Donc, la langue ngomienne que eux me parlent tous les jours, c'est cette langue, d'ailleurs, pour ceux qui me suivent dans mes forums politiques là-bas, dans laquelle je m'exprime. Donc, je peux vous rassurer que je maîtrise encore mieux cette langue que d'autres langues. Et la deuxième langue qui est devenue une langue pour moi officielle, c'est la langue anglaise. C'est normal, près de 20 ans ici, et même avant que je ne vienne aux États-Unis, pour ceux qui me connaissent mon histoire là-bas, j'ai travaillé avec Amoco, American Oil Company, c'est une compagnie américaine, je parlais toujours anglais. Avec la Shell, c'est pareil, je parlais toujours anglais. Donc, l'anglais a beaucoup influencé mes neurones et tout cela. Et la troisième langue, c'est le français, suivi de l'espagnol et les autres langues que je maîtrise également. Alors, c'est déjà vous dire ceci, que mon titre peut-être ne cadrerait pas, mais dans votre pensée, vous savez de quoi je veux parler. Quand je dis l'aliénation spirituelle de l'homme noir. Bien. L'homme noir, pourquoi je dis l'homme noir? Parce que même ici, aux États-Unis d'Amérique, les noirs sont aliénés spirituellement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez sûrement constaté comme moi que dans tous les coins du monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, il y a un phénomène inverse. Le phénomène inverse est lequel? À l'époque, ce sont les colons, ce sont les blancs qui, normalement, détenaient le leadership spirituel. En d'autres termes, ce sont les colons qui étaient là des pasteurs et des prêtres en train de sensibiliser, en train d'éduquer. Moi, je me rappelle très bien, de 1971 jusqu'à 1975 à Lambaréné, à l'école d'abord d'Isaac, qui est une école catholique, par le père François, que Dieu est son âme, et ensuite il y a eu le père Manson, et je suis allé finalement à l'école Saint-François-Xavier, fille. J'étais toujours dans ces églises-là, et c'était des blancs qui dirigeaient. Alors je vais à Omboué, c'est un prêtre blanc que je reconnais, père Petit, le père Petit qui gardait toute sa longue barbe blanche. Et la plupart des pasteurs que nous connaissions, c'était des blancs. Je me rappelle l'église Alliance chrétienne dans les années 80, et peut-être avant cela, quand ils arrivent à Port-Gentil, la première église de l'Alliance chrétienne, elle se trouve vers l'aéroport. Je vous signale que je faisais partie de ces premiers ouailles qui assistaient à ces débâcles mystico-spirituels. Et c'était des pasteurs américains qui étaient là pour former des Gabonais. Et je connais des frères gabonais qui ont été formés. Il y a même un qui est ici avec nous aux États-Unis. Donc, c'est pour vous dire que la tendance à cette époque, puis-je vous amener dans l'histoire? Écoutez, il y a des historiens tels que le professeur Gomez, qui est peut-être mieux qualifié que moi, pour vous donner toutes ces datations de l'influence religieuse. Mais à travers les connaissances également que j'ai, je ne vais pas vous amener trop dans cela, mais je prendrai seulement quelques dates pour juste votre mémoire et votre souvenir. Bien, au début du 15e siècle, lorsque les premiers colons, qu'on appelle les Portugais, découvrent les côtes africaines, je dis bien début 15e siècle, ils arrivent, fin 15e, début 15e siècle, ce sont les Portugais d'abord qui arrivent. Et mon pays, le Gabon, n'en échappera point. Voilà pourquoi vous verrez des noms tels que Cap Estérias, vous verrez les noms tels que Fernandes, vous verrez les noms tels que Cap Lopez, vous verrez d'ailleurs le nom de Gaboun. Gaboun, ça vient du portugais, c'est-à-dire Cabao, Cabao, Cabao, qui veut dire le manteau en langue portugaise. Donc, ce sont les Portugais qui arrivèrent les premiers. Mais les Portugais n'avaient pas une influence religieuse accrue. Ceux-ci venaient dans le but d'abord d'explorer et de voir de quelle manière ils peuvent ici, comment dirais-je, pardonnez-moi si vous me permettez, je vais pouvoir rapidement, parce que c'est un appel important. Oui, mon petit, je suis en plein live là. Je voulais juste te contacter pour te dire que, en fait, on devait démarrer ce live-là en connexion avec la page, comme on avait dit la dernière fois. Mais malheureusement, je n'ai pas pu t'avoir. Donc là, j'ai déjà démarré. Voilà. Donc, je crois qu'on le fera très prochainement parce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent également sur Tata Nzambe, le Tout-Puissant Facebook. Souviens-toi que la dernière fois, c'est ce qu'on devait faire, c'est-à-dire mettre en simultané la. Voilà. Ouais. Bon, mais ce n'est pas grave. Bon, c'est pas grave, branche-toi là, j'essaie de parler des histoires de nos parents qui sont devenus des aliénés, hein, religieux. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Que t'étais mon gars. Te bénisse, merci. Merci mon fils, merci. Merci beaucoup, pardonnez-moi. Donc, disais-je, ces datations, donc les Portugais arrivent les premiers et nous connaissons la suite. Maintenant, pour le cas du Gabon, que je connais mieux, les premiers qui arrivent, ce sont des prêtres jésuites. Ceux-ci, donc, vont s'installer au Gabon. Il y a les zones de Donguila, il y a les zones de Mouila, ils sont installés. Et chez moi, à Lambaréné, là où mon père et le cousin à mon père, M. Georges Raoury, ont appris, ça s'appelle Ngomo, le village Ngomo. C'est là où va être construite la première église au niveau du Moyen-Orient, dans les années 1840, à moins que je me trompe. Bon, je vais quand même. Comme d'habitude, avant de démarrer le live, nous avons une perturbation, mais si ce sont les miasmes du bas astral, ben je vais mettre le sceau, veuillez me pardonner. Merci beaucoup à tous mes génies, merci beaucoup à tous mes ancêtres de faire en sorte que ceci se passe sans perturbation aucune et que par les quatre coins de ce temple qui sont liés avec les quatre points cardinaux de mon pays, le Gabon, dont je suis né, je vous prie donc de pouvoir bien tenir ferme afin qu'aucun intrus ne vienne perturber cet enseignement et que tout ce que j'ai dit, c'est pour le bien et l'éveil de la conscience de mes frères africains. Je ne viens pas pour insulter qui que ce soit et que les bonnes intentions, seules les bonnes intentions soient acceptées et que tout miasme ou tout esprit de miasme du bas astral ne puisse pas accéder, surtout ceux qui viennent avec de mauvaises intentions. et que la volonté de tes temps, être suprême, seul, soit ici, que ce soit seule sa volonté, parce que je ne parle pas à ma propre volonté, je ne parle pas avec ma propre intention, mais je parle, c'est lui qui me permet de parler et de pouvoir sensibiliser. Parce que lui-même, il a dit, il faut parler au peuple. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Disais-je donc au village Ngomo, Ngomo, chez moi, à Lambaréné, bon, ceux qui sont des Dongila connaissent, il y a la grande église là-bas, même, il y a même un internat maintenant. Ceux qui sont à Odimba, en 1896, monsieur Lefebvre a fait un don. C'est le frère, je crois c'est Henri, ou qu'il a le frère de celui-là qui a, vous voyez, la tour Eiffel de France. Donc, monsieur Eiffel a fait un don au Gabonais, c'est en envoyant une église préfabriquée qu'on appelle l'église Sainte-Anne. Celle-là, elle était là, elle est toujours, elle existe jusqu'à présent. Et le père Lefebvre était le dernier prêtre en exercice. Je vais vous amener où? Donc, il y a eu beaucoup. Mais tous ces mecs qui amenaient, c'était des Blancs. Et dans quel but? Nous souvenons-nous que maintenant, pendant qu'il y a toute cette transaction, les jésuites arrivent dans les années 1840 à Lambaréné et les prêtres, d'autres prêtres envahissent les autres coins du Congo, à gauche, à droite. Savorien de Brazza, il ne faut pas l'oublier, qui a eu une résistance de la part du roi Makoko. Je vous avais promis de vous parler du roi Makoko, mais le temps viendra. Je crois que cette semaine, j'aurai le temps de vous donner toute la documentation sur notre roi Makoko, qui était un homme très puissant et qui a fait même trembler Savonien de Brazza. Il y a des épisodes que même l'histoire ne veut pas rapporter, mais j'ai eu certaines informations auprès du professeur Philippe Obenga, qui est quand même un nom de référence dans le monde de l'histoire africaine. C'est l'une des mémoires vivantes, voyez-vous. Donc, Olikia Mbokolo, le professeur d'histoire, d'ailleurs, qui vit d'ailleurs au Congo, également, j'ai lu beaucoup des documents qu'il lui-même il a écrits. Donc, sur l'histoire donc, de la religion en Afrique, pourquoi je parle d'aliénation spirituelle? Avant donc 1883, qu'est-ce qui se passa en 1883? C'est qu'en 1883, là je parle des siècles récents, je ne vais pas vous amener, parce que je vous dis ça risque de mettre du temps. Si je vous amène au 4e siècle, en l'an 325, si je vous amène en l'an 210 avant Jésus-Christ, si je vous amène à l'an 177, donc ce sera trop long, mais j'essaie de vous résumer tout. Parce que ce qui s'est passé au premier, le début du 2e siècle, jusqu'au 4e siècle, l'objectif était de créer un système de contrôle des consciences des humains. Ce n'était pas seulement pour contrôler les Africains, mais c'était pour contrôler toute la planète, d'où la création de l'Empire romain. D'où la création de l'Église catholique, apostolique et romaine. C'était ça l'objectif, d'utiliser la religion comme un moyen, un appât, afin de commander toute la planète. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Vatican, c'est la troisième puissance mondiale, qui aujourd'hui d'ailleurs, avec la bénédiction du pape, ont reconnu et légalisé la pédophilie, qui est une technique néo-zélande, mon Dieu. Bref, là n'est pas là, je ne vais pas mélanger les sujets, donc... le mois d'octobre précisément de 1883, il y a le clergé qui se retrouve à Berlin. Le clergé veut dire l'ensemble de tous les prêtres, des pasteurs et même des nonnes. Ce qu'on appelle les nonnes, ce sont les sœurs. Se retrouvent autour de M. Léopold II, roi de Belgique à l'époque. Donc des instructions fermes vont être données autour des groupes, je crois, de 5. Hein. Il y avait une représentation des États-Unis. Une représentation de la France, une représentation de l'Italie, une représentation du Portugal, une représentation, je ne sais plus de quel pays, tous se retrouvèrent donc, une représentation également de la Belgique, autour du roi Léopold II. L'objectif donc de la réunion du mois d'octobre 1883, c'était justement d'aller imposer aux Africains une nouvelle philosophie, une nouvelle religion, appelons ça ici. Parce qu'il fallait trouver cette stratégie. Les Portugais, eux, quand ils arrivent au début du 15e siècle, ils ont fait le compte rendu auprès de leurs frères européens que non, l'homme noir est trop fort, ils sont trop résistants, on a essayé, rien, ils résistent. Donc, ayant réfléchi longuement pendant combien de siècles? Le 16e, 17e, donc pendant trois siècles, ils ont tellement réfléchi qu'il fallait une stratégie. Parce qu'ils ont étudié que l'homme noir était un homme accueillant, l'homme africain, quoi. Il aime accueillir, il est gentil, il aime sourire, là, voilà. Et du point au point où les Français qui ont créé la langue française ont parlé des mots qu'on appelle la naïveté. Donc, c'est un peuple naïf, pour ne pas dire même trop idiot, trop gentil, trop couillon. Voilà comment ils ont étudié cela. Donc, il fallait trouver une stratégie. Malgré le fait que ce soit un peuple accueillant, il fallait trouver une stratégie pour éteindre leur brutalité et leur violence. Parce que l'homme noir étant très gentil, certes, mais lorsqu'il s'agissait de le combattre, c'était le guerrier le plus fort. La preuve, l'histoire nous l'atteste, donc le premier homme qui a été créé, c'est l'homme noir. Bref, donc en 1883, des instructions vont être données au clergé. Vous êtes au courant, il y a même des mimiques, des gens qui ont essayé d'imiter ce que Léopold II avait dit. Vous trouverez ça sur YouTube. D'accord? Maintenant, en 1885, c'est la décision finale. C'est celle d'aller maintenant diviser l'Afrique. C'est d'aller partager le gâteau. Mais au départ, ils envoient d'abord les missionnaires, le clergé, pour amener un document. C'est celui-ci. Moi, je crois beaucoup plus à cette version. Ça, c'est la Bible de Jérusalem. Ça s'appelle la Bible. Bon, celle-là, c'est parce qu'elle a plus de 100 et quelques. Ça rejoint à peu près la Bible originale. Hein, parce que la Bible originale a 107 livres. Mais celle que vous lisez là, il y a seulement 66. Moi, je ne sais pas comment ils ont fait. Mais c'est la décision de 325 de notre ère. Cette décision qui a arrêté qu'il fallait seulement 66 parce que les autres livres étaient considérés comme des livres apocryphes. Mais en réalité, la vérité qu'il ne voulait pas vous dire, c'était des livres dangereux, tels que le livre du prophète Hénoc. Le livre du prophète Hénoc, je l'utilise dans pas mal des pratiques mystiques très avancées. Donc, c'était ce livre. Et juste donner un enseignement ici, ils ont pris le livre intitulé Heureux les pacifiques. Heureux, comment dirais-je? Oui, heureux les pacifiques ou les humbles, ils hériteront la terre. Mais ils ont modifié cela. Aujourd'hui, vous retrouverez heureux les pacifiques. Mais dans la Bible ancienne, elle est où? Je l'ai là quelque part, qui avait été écrite avant Louis II, vers les années 1882. Dans cette version, il est dit, et c'est cette version-là que Léopold avait exhibée pour venir dire à nos parents, à nos ancêtres, que heureux les pauvres, ceux-là, ils iront vivre au ciel. J'ai un enseignement ici. Veuillez suivre cette vidéo. Ça rentre dans les détails sur ce chapitre bien précis. Donc, ils sont venus donc inculquer. Ils sont venus faire ce qu'on appelle l'assimilation. Comme ça s'est passé ici aux États-Unis. Assimilation. Donc, ils sont venus assimiler nos frères. Ils sont donc fait ce qu'on appelle, ils ont fait ce qu'on appelle un lavage de cerveau à base de ces versets-là pour essayer de baisser la tension et la colère. Et ils passaient stratégiquement, après le rapport que les Portugais leur donnèrent, ils ont utilisé cette stratégie qu'il fallait passer par les chefs. Donc, convaincre les chefs. Maintenant, nos frères américains, quand j'ai des débats avec eux ici, ils me disent, non, vous nous avez vendus. J'ai dit, il faut qu'on arrête ce débat-là. Comment vous a vendu? Oh non, parce que le blanc est venu avec le sel, est venu avec la culotte, et puis en échange, vous nous avez fait venir ici. J'ai dit, vous n'avez pas la vraie version de l'histoire. Nous avons eu des guerriers qui se sont battus au niveau de Chamois. Je connais l'histoire de M. Mavourouloux. Lisez les arcanes des histoires de Rubem Machin, ou encore le peuple enfant. Que les Français ont modifié en enlevant le N. Ceux-là que vous appelez aujourd'hui les femmes. Les Écans. Mais allez-y savoir comment ces mecs-là ont combattu pour défendre les territoires. Hein? Les gens ne connaissent pas. Donc, je leur ai donné tous ces éléments-là. Aujourd'hui, je suis quand même accepté dans certains milieux de nos frères américains. Bref, ce sujet donc d'aliénation spirituelle est très préoccupant. Vous dire, ils sont donc venus nous aliéner comme ça. Voilà pourquoi je parle d'aliénation. Donc, il y a eu un lavage de cerveau. Il y a eu une manipulation psychologique, il y a eu une manipulation somatique en vue de préparer le terrain du projet qu'ils avaient déjà, lequel projet avait été arrêté finalement en 1885. Vérifiez le livre d'histoire. En 1885, donc, c'est là où ils débarquent maintenant, politiquement parlant, pour maintenant décider de diviser l'Afrique. Léopold décidera que le Congo, ça m'appartient. Ils vont se battre là-bas, disputer, disputer, se battre littéralement. Mais les pauvres Américains, donc eux, à l'époque représentés par Texaco, le patron de la société qu'on appelle Texaco, Texas Oil Company et Exxon, c'est les vieilles compagnies. Ça, c'était les trois frères, on les appelait à l'époque là. Et qui sont même l'un des grands fondateurs de l'histoire de KKK, là, le groupe qui, des extrémistes suprémacistes blancs. Ils étaient présents, mais eux, ils n'ont pas eu la part de gâteau. La seule part de gâteau qu'eux, ils ont eu plus tard, c'est parce qu'eux, ils avaient la technologie avancée en matière de pétrole. Et eux, ils avaient également la plus grande librairie biblique. Souvenez-vous, à l'époque de Soto, même de Ptolémée Soter, je vous amène un peu plus loin, vers le début du 1er siècle, même avant cela, à Memphis, Alexandra, il y avait le plus grand centre de recherche spirituelle et mystico-spirituelle. C'était des Blancs, des Grecs, qui sont venus envahir l'Afrique, donc, dans la zone de l'Égypte. C'est là où ils ont créé la plus grande école de grands mystères. Voilà pourquoi, vers les années 1948 jusqu'aux années 1951, on a découvert beaucoup des documents de la mer. On appelle ça les documents de la mer morte. Ce sont des documents qui relatent, effectivement, qu'on retrouve certains livres qui ont été, à l'époque, écrits dans la zone d'Alexandra, donc dans l'actuelle Égypte, à l'époque. Voyez-vous? Donc, en 1885, oh voilà le temps court, il me reste moins 5 minutes. En 1885, donc, il débarque, et c'est là où il y a eu la géopolitique. Donc, la division de l'Afrique, le partage du gâteau. Ceux qui n'ont pas beaucoup bénéficié, ce sont les Allemands. Mais les Allemands, c'est tout récent au Cameroun. Ceux qui n'ont pas aussi beaucoup bénéficié, ce sont les Portugais. Mais il y a quand même le Zambèze, il y a un pays là. La Guinée-Bissau, il y a, je crois, peut-être 4 pays comme ça que nos amis portugais ont essayé de faire quelque chose. Et nous connaissons la suite. Le Gabon, ils ont voulu prendre le Gabon, mais ça, aucun historien ne va vous le dire. Raponda Walker, dans ses livres que j'ai étudiés, il en parle brièvement, mais ne rentre pas dans les détails. Le cas du Gabon, le Gabon devait être pris par les Portugais au 15e siècle. Si vous voyez bien les noms de toutes nos rivières et nos lagunes, quand vous partez dans le Fernavaz, le nom Fernavaz, c'est un Portugais. Le Cap Lopez, tous les noms que vous voyez là. Donc, les Portugais, normalement, voulaient, quand ils ont donné le nom de Gabão, le pays qui a la forme d'un manteau, ils ont découvert beaucoup de richesses. Mais seulement, ils n'avaient pas l'armement. Ils n'avaient pas l'armement pour mieux s'accaparer de ces zones-là. Voilà pourquoi ils sont repartis pour réfléchir. Donc, bref, la réunion de Berlin, vous savez ce qui s'est passé en 1800, en juin précisément, en juin 1885. Nous savons ce qui s'est passé. Ils décident de diviser l'Afrique. Ils se partagent le gâteau. Et voilà. On vient bombarder des églises, maintenant commence à naître ça à gauche et à droite. Et à un moment donné, vers le 19e siècle, l'église catholique commence à connaître un déclin. Le déclin, c'est quoi? C'est que vous savez très bien qu'au 16e siècle, M. Martin Luther qui crée le protestantisme, il y a déjà des scissions au sein de ces églises. Bref, là n'en est pas l'objectif de l'enseignement. Sinon, je devais bien vous étaler toutes ces histoires-là. Mais pour vous dire tout simplement que les mésententes vont entraîner un éclatement des églises à travers le monde et il y a une résistance, notamment de nos frères anglophones, parce que leurs royaumes ont résisté efficacement. Je pense au roi Nkrumah, je pense au royaume de Nkrumah là-bas, à Kumasi, en Côte d'Ivoire, qu'on appelle au Ghana, et je pense également les royaumes qui étaient au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a eu une forte résistance. Et je n'oublierai pas les royaumes qui se trouvaient au niveau du Nigeria. Je crois qu'il y en avait 4 à l'époque. D'accord? Une résistance assez farouche. Et au niveau du Gabon, nous avions le roi Makoko, du peuple Luango à l'époque. Mais le roi Makoko, lui, qui était Bateke, ne se clamant pas, Bantou, il y avait déjà un problème. Mais quand même, les Bantous vont se soumettre. Et le peuple Fang qu'on retrouve au Cameroun, au Congo, en Guinée équatoriale et au Gabon, eux, ils vont aussi créer une certaine résistance. Voyez-vous? Bref, l'aliénation vient d'où? Eh bien, l'aliénation vient du fait que, au début du 21e siècle, je suis allé trop vite, mais il faut que je parte vite parce qu'il faut que je vous laisse le temps de poser des questions. Au début du 21e siècle, il va se passer une révolution. C'est ce que ce monsieur Bill Clinton, qui est président aux États-Unis, après leur grande réunion avec leur grande fraternité qu'on appelle aujourd'hui Illuminati, c'est-à-dire un gouvernement universel ayant pour objectif de contrôler les consciences de tout le monde, mais surtout le peuple africain, parce que le continent africain, le pays continent africain, a un avenir pour le devenir de la race planétaire, c'est-à-dire pas seulement les Noirs, Chinois, Blancs, Jaunes, tout le monde. Il est prévu qu'à l'an 2050, parce que l'Afrique a une population très jeune, or l'Amérique où je vis, la population elle est très vieillissante. Voilà pourquoi, et même elle baisse, la population baisse, Dieu merci au corona, et je prie que Tétan Mwanga continue à tuer tous ces Américains-là. On est là tout en train de boitiller, on n'arrive pas à atteindre les 400 millions. On est autour de 325, 340, après ça descend, 300 machin. Donc, la population américaine, elle est très instable. Pourquoi? Mais parce qu'il y a également une diaspora américaine qui, depuis le début du 21e siècle, qui préfère quitter les États-Unis et aller dans d'autres pays. Le Ghana, à lui seul, enregistre chaque année près d'un million d'Américains noirs qui quittent maintenant l'Amérique pour aller là-bas. Je ne vous raconte pas n'importe quoi, vous pouvez vérifier. Pourquoi? Mais parce que la politique ségrégationniste et suprémaciste est en train d'effrayer beaucoup. Même les Blancs eux-mêmes, ils sont en train de quitter. Ils préfèrent aller ailleurs. Bon, bref, parlons de l'Afrique. Parce que l'Afrique, en l'an 2050, selon les statistiques de pas mal de personnes, ils ont prévu, Monsieur Attila, je suis de Monsieur Attila, j'oublie son prénom, avait fait un discours en France. Il avait dit effectivement qu'en l'an 2050, avant même l'an 2050, l'Afrique va être le centre des milieux de tous les pays du monde. Vous savez très bien que 70% de l'oxygène que la planète Terre bénéficie aujourd'hui vient de l'Afrique. Voyez-vous? Bref, nous parlons de l'aliénation spirituelle. Mais où est-ce qu'elle vient? J'ai observé, j'ai étudié longtemps avec les biblistes, j'ai étudié des théologies, j'ai fréquente des grands hommes religieux, de toute obédience. Voilà ce que j'observe. C'est qu'il y a un déclin de l'engagement de l'homme blanc face à ce fameux Christ qu'ils vinrent nous prêcher en Afrique au 19e siècle. Qu'ils vinrent avec la Bible trafiquée, modifiée, et derrière, il y avait l'épée. Devant, il y avait la Bible. Au cas où il y aurait une résistance, l'arme à feu devait se faire taire et le fouet était derrière. Et là, je vous amène à la traite négrière, qui, d'ailleurs, démarrera un peu plus tôt. Parce que la traite négrière, logiquement, c'est vers le début du 18e siècle. Mais l'invasion religieuse s'est amplifiée, surtout au 19e siècle. Et au 19e siècle, les vieilles églises sont là, l'église de Donguila, l'église Sainte-Marie, l'église Odimba et l'église Ngoumont, chez moi. Ceux qui sont du Walentem, pardonnez-moi, j'ai oublié les noms des églises là-bas. Au Congo, plein d'églises comme ça. Hein? L'église Sainte-Thérèse. Là, qui était Sainte-Thérèse, Davila? Tous ces mecs-là, les noms ont été imposés à gauche, à droite. Ceci afin d'avilir, je pèse mes mots, afin d'avilir spirituellement l'homme noir. Bien, ce que j'observe, je disais au 21e siècle, c'est que la tendance est inverse. Les Blancs, ils ont atteint l'objectif qu'ils se sont donné et accordé en 1885. L'objectif était de faire quoi? C'était de pénétrer le territoire africain. C'était de s'en approprier de toutes les richesses. C'était de nous dire à nous que heureux les pauvres, ils vont aller vivre au ciel. Donc, on nous a fait croire qu'il faut être pauvre sur cette terre-là. Ainsi, Dieu va vous recevoir. Vous, vous serez riches là-bas. Ils ont même interprété la compréhension de la prière de notre Père. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Alors, je m'en souviens, moi-même, j'étais catéchumène à l'Église catholique. C'est ce que moi, j'enseignais aux gens, que réellement, le véritable paradis se trouve au ciel. Et c'est que quand vous quitterez cette terre, rassurez-vous, laissez-moi les miettes là. Et le prêtre et tous ces mecs-là, ils faisaient semblant d'être pauvres. Maintenant, la tendance change. N'est-ce pas? Lorsque l'Alliance chrétienne, au début des années 1980 au Gabon et bien d'autres pays d'Afrique, en commence à envahir l'Afrique centrale et bien d'autres, nous connaissons un nouveau vent. Ce vent commence vers les années 1995 jusqu'en 2021. C'est-à-dire qu'on appelle ça la prolifération des églises dites éveillées. Mais qu'est-ce que c'est les églises éveillées? Ce sont des Blancs, ce sont des Américains, qui la majorité sont des Noirs ici aux États-Unis, qui trouvent l'esprit charismatique. Au sein de l'Église catholique, il y aura ce qu'on appelle l'esprit charismatique. Et c'est ainsi que nous allons voir le réveil évangélique. Ce réveil évangélique, en fait, c'est quoi? Le réveil évangélique, c'est la version du protestantisme du XVIe siècle par l'allemand Martin Luther. Parce que c'est Martin Luther qui était le premier rebelle. Protestantisme, premier protestant. Protester veut dire, ben, protestant veut dire celui qui proteste. Et là, donc maintenant, au XXe, XXIe siècle, nous avons le réveil évangélique. Mais qu'est-ce que c'est le réveil évangélique? Mais parce qu'on s'est rendu compte que les premiers qui étaient venus, ils n'ont pas fait le boulot et que aujourd'hui, il va falloir créer quelque chose d'intéressant. Ce sont les Américains, en tête desquels il y en a plein ici que je ne vais pas citer les noms par respect. Il y a un qui est mort que j'aimais bien, il s'appelait D. Long, celui qui s'est retrouvé en train de payer des enfants, les entretenir avec près de 120 millions par mois, par an, autant pour moi, par enfant. Il les payait, il les entretenait, mille et une maîtresses. Celui-là et mon ami Teddy Jake, que je respecte, qui a la plus grande église de ce qu'on appelle Powerhouse à Houston. Il y a aussi un Powerhouse ici, à Ohio, machin. Donc, l'objectif, c'est quoi maintenant avec le réveil évangélique? Eh bien, c'est de rendre nos peuples africains paresseux, et je pèse mes mots, c'est de les rendre paresseux, alors que le fondateur du christianisme, l'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée et à Philémon, et même à Tite, il dit bien que je ne veux pas être un fardeau pour l'Église, et que tout ministre ordonné, tout évêque, si vous voulez être un évêque, c'est-à-dire un homme ordonné, un prêtre ou un pasteur, vous devez, un, être marié, ordonné, ne pas être adonné au vin, ne pas être adonné aux femmes et surtout avoir un travail. L'apôtre Paul, donc, lorsqu'il crée en l'an 65 de notre ère à Antioche, dans l'actuelle Turquie, lorsqu'il crée le christianisme, lui-même, il était un exemple. Il fabriquait des tentes, il fabriquait des bateaux pour vivre. Il a répété plusieurs fois. Vous pouvez lire les lettres qu'il écrit aux Éphésiens, les lettres qu'il écrit aux Philippiens. Tout ce mec-là, il est sensibilisé en disant, vous n'avez pas le droit d'être un fardeau pour l'Église. C'est-à-dire l'ensemble de tous les individus qui croient en Jésus. Ce n'est pas l'Église qui est un bâtiment. Sinon, l'apôtre Paul sera en contradiction quand il dit que Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits de mains d'hommes. Donc l'Église, ce n'est pas le temple. C'est l'ensemble des gens qui sont appelés à aller vivre avec Christ. Et qui est Christ? Allez-y demander aux chrétiens là-bas. Ça, j'ai déjà donné des enseignements ici. Bref, même l'apôtre Paul découragea. Mais maintenant, au XXIe siècle, avec le réveil évangélique, allez-y vérifier tous ces jeunes qui viennent vociférer sur Facebook. J'ai du respect, hein, je vous en prie. J'ai du respect pour mes frères pasteurs, parce qu'ils font de leur mieux. Je dis, ça, c'est la nouvelle forme du réveil évangélique, c'est de rendre nos enfants, nos garçons et nos filles paresseux de ne plus travailler. Voilà, la plupart, un bon matin, se réveillent, Jésus m'a parlé. Alors, il crée son église, et ça devient ce qu'on appelle l'église de... On appelle ça comment? Que c'est l'église de la prospérité. Les messages qui passent autour de cela, on dit c'est la prospérité. Mais entre vous et moi, en tant qu'initié, je vais vous dire ceci. Quand on vous initie dans les mystères, c'est-à-dire, bon, soyons dans un langage religieux, on vous amène pour l'éveil de votre esprit. C'est ça, la religion. Religion veut dire religare, moyen de chercher à se relier ou bien de se connecter avec Dieu. Mais quand vous cherchez à vous connecter avec Dieu, vous passez par quoi? Vous passez par ce qu'on appelle la désintégration. Vous passez par ce qu'on appelle la désindividualisation. Vous passez par ce qu'on appelle la dépersonnalisation. En d'autres termes, vous détruisez le vieil homme. Mais le vieil homme, là, c'est quoi? C'est tout ce qui est attrait à la distraction terrestre. Ce qu'on est, moi, j'ai toujours appelé dans mon langage, les terrestrités humaines. Quelles sont ces terrestrités humaines? L'argent est une terrestrité humaine. Sinon, Jean, l'un des collaborateurs là, de Yahshua, Jean avait dit que, attention, l'argent est un piège. N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Parce que si vous aimez tout cela, eh ben, vous allez perdre la vie et vous irez au gnouf, pour ne pas dire en enfer. Pourquoi? Parce que le monde entier gît sous le pouvoir du méchant. Ça, c'est Jean qui l'a dit. Et encore, l'apôtre Paul, il nous dit que les richesses de ce monde, fermez les yeux. Car la véritable richesse se trouve dans le royaume des cieux, c'est-à-dire des richesses impérissables. Mais l'argent est simplement une nécessité. Ce n'est pas important pour vous. L'argent est une nécessité, ça va vous aider peut-être à faire cela. Voilà pourquoi l'apôtre Paul encourageait les gens de travailler. Mais l'apôtre Paul n'ignorait pas les écrits de Salomon dans le livre des Proverbes, dans le livre d'Ecclésiaste, dans le livre des Maccabées, dans les histoires, les livres sages du roi Salomon. Il dit quoi? Celui qui ne travaille pas a péché, et quiconque ne travaille pas ira en enfer, dit certaines églises. Et lui-même, l'apôtre Paul, parmi les restrictions C'est-à-dire pour hériter le royaume de Dieu. Il nous dit quoi? Dans la liste des éléments. Ceux qui mentent, ceux qui commettent des adultères, ceux qui perdent les enfants, ceux qui sont paresseux. Paresseux veut dire tu ne veux pas travailler. Ces mecs-là n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais voyez-vous la décadence? Et aujourd'hui, où vient l'aliénation? L'aliénation est la suivante. Les religions, à l'époque des Blancs, c'était un plan politique. Derrière la religion, il y a ce qu'on appelle un plan politique. C'était juste la politique pour pouvoir nous embrigader nos consciences. Nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous avions, là je suis en train de conclure, nous avions nos propres religions, nous. Souvenez-vous, au mois d'octobre 1883, M. Léopold II a bien dit, je ne vous envoie pas là-bas auprès de ces mecs-là qu'ils sont ignorants de Dieu. Non, non, non, non, non. Ils connaissent les gens qui sont Dieu, hein. Ils connaissent qui est Tata Nzambe, hein. Et ça, c'est sorti même de la bouche du roi Léopold, quand il a eu le rapport des portières. Il a dit, nos frères connaissent déjà qui est Tata Nzambe. N'allez pas leur éduquer et leur parler des histoires de moralité. Ils savent que voler, ce n'est pas bon. Tuer la femme, coucher avec la femme de l'autre, ce n'est pas bon et toutes ces histoires. Ils le savaient. Mais, simplement, empêchons-leur de toucher à ces richesses-là, parce que nous en avons besoin. Et c'est cette même lancée-là qu'il y a aujourd'hui. Mes frères pasteurs et prêtres africains, noirs, je parlerai de manière... Le message s'adresse aussi à mes frères américains ici, quand eux ils m'invitent. Je leur dis ceci. Arrêtez de distraire les gens avec l'histoire de l'évangile, de la prospérité. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le nom de Jésus pour la prospérité. Si votre Jésus que vous dites là qui est valant, s'il aurait existé, mais il marche quand même avec votre affaire des forces, des phénomènes grégoriques, mais lui-même, il a dit que heureux les pauvres, ils vont vivre au ciel. Mais maintenant, vous venez dire le contraire, que non, il faut la prospérité. Voyez-vous? Ils vont même vous donner raison que le monde a évolué, il nous faut l'argent, c'est cela. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre l'argent des pauvres. Et je connais des personnes. Moi-même, j'ai assisté. Le prêtre va dire, le pasteur va dire non. Là, on va faire une offrande spéciale. Non, ce n'est plus ça. L'église, ici, nous sommes aux États-Unis, il faut payer le building. Oh, mais toi-même, tu as choisi pour être un homme de Dieu. Tu as dit que Dieu fait les miracles. Qu'est-ce que tu as imposé aux pauvres ouailles? Les ouailles, selon la Bible, ils ne sont même pas obligés. Le fondateur du christianisme dit bien que les dîmes ne sont pas obligatoires. Mm-hmm. Mais ils vont vous amener dans l'Ancien Testament. Oui, oui, oui, ils vont vous amener chez Habakkuk. Le Seigneur a dit, celui qui ne donne pas va être maudit, va être tué. C'est faux. Il faut bien connaître l'histoire. Et là, malheureusement, le temps ne me permet pas de rentrer dans ces histoires-là. Et j'en parle depuis des années. La dîme n'est pas obligatoire. Quand je vais chez mes frères musulmans, alhamdulillah, Allahumma salli sayyidina Muhammadun wa sallallahi, quand je vais là-bas, on ne t'impose pas. Il y a un panier qui est là, tu donnes ce que tu peux. Mais aujourd'hui, c'est l'une des religions les plus puissantes au monde. Mais il n'impose pas les gens. Mais nos églises éveillées, ça devient un phénomène bizarre. Où vient l'aliénation? L'aliénation, c'est la suivante. Vous partez dans ces églises, on assiste à des crimes horribles. J'ai vu dans certaines églises, le pasteur est en train de prier pour la personne, on égorge la tête de l'autre devant lui. J'ai vu dans ces églises, les gens, vous voyez sur YouTube, je ne vais pas rentrer dans ça, c'est vraiment satirique et c'est horrible. Donc, c'est ça. Ça devient du folklore, de la distraction. Un homme qui est pasteur, qui va monter sur les dos des gens. Un homme qui est pasteur, qui va payer les enfants. Un homme qui est pasteur, écoutez, je respecte. Moi, je vous donne tous des noms de référence. Le pasteur Obiang. Ce monsieur-là, je le connais quand j'étais encore au lycée technique. On était tous au lycée technique. Je connais bien ce monsieur. Je le respecte. De l'église, quoi, là, je ne sais plus le nom que ça a changé. Parce que chacun est parti dans son groupe. Le pasteur Sylvain Edzang, je le respecte. Sylvain Zang, c'est un monsieur que je respecte. Je n'ai jamais entendu parler dans son église qu'il est allé toucher les machins où il a fait ceci, cela. Mais je vous dis qu'ils sont peu nombreux comme ça. Il y a une véritable aliénation. Pasteur Zang, je parle de lui pourquoi? Parce qu'il accepte le débat contradictoire. Il reconnaît les autres religions. Les premières religions qui étaient chez nous, c'est les religions africaines. Avant que le blanc amène la religion, savez-vous que chez nous, on a nos religions? Pourquoi vous êtes aliénés maintenant aujourd'hui? Pourquoi je parle d'aliénation? Parce que vous n'arrivez plus à vous en passer. Le simple fait que le frère est dans son boutique, c'est diabolique. Le simple fait que le frère est dans un machin, c'est diabolique. Le simple fait même que le frère essaie de dire « je médite, je fais mon yoga », c'est diabolique. Ça divise même des familles. Je suis une preuve vivante. Allez-y sur les vidéos, il y en a plein. Le titre de la vidéo, c'est « Comment démissionner ou quitter une religion ». Je vous dirai comment mes frères témoignent, je vais me traiter. Et d'autres religions, au passage. L'aliénation. Où est l'aliénation? L'aliénation est que nos frères noirs, que ce soit américains, que ce soit nos frères africains qui sont en Europe, que ce soit en Afrique, l'aliénation est qu'ils oublient leur propre tradition. Ils oublient leur religion. J'ai dit, hein, quand vous voulez trouver la protection, vous partez chez qui? Mon frère africain va dire non, Jésus est la solution. Quand tu veux trouver la femme, tu vas aller où? Il va aller non, je vais trouver la solution chez Jésus. Mais allez-y voir les juifs. Les juifs que vous avez aujourd'hui là, les faux juifs, moi j'appelle ça les faux parce que les véritables juifs, ce n'est pas les blancs là qui sont venus là vers les années 1958. Ce n'est pas ceux-là. Et je sais de quoi je parle et ils le savent. Les habitants de la zone là, ce sont les Palestiniens, mais ça c'est encore un autre débat là. Ah oui, oui. Ces juifs-là qui sont tous des blancs. Les véritables juifs, les Hébreux, c'était des noirs. Mais parlons de manière générale, sans pourtant rentrer dans ces détails techniques, mais les juifs que vous voyez là, allez-y chez eux. J'ai été visité en 2008. Je n'ai jamais vu un juif dans la rue en train de dire « Oh, nom de Jésus, oh, Yahvé, oh, toi le Dieu d'Israël, oh, je suis juif, je suis israélite, viens me sauver. » Non, ils sont armés jusqu'aux dents. Ils ont les armes. Ils sont armés jusqu'aux enfants, armés, les couteaux et tout. Voilà leur Dieu, c'est ça. Toi, l'homme noir, toi qui es en train de t'affoler à crier au nom de Jésus, Jésus vient, Jésus vient. Et à la fin, tu vas prendre le téléphone. Ça ne me dérange pas. Hein. Oh, monsieur Onouvier, oui. Moi, je crois que le pasteur m'a dit la dernière fois que j'ai un mari de nuit ou bien, je ne sais pas, un démon. Je ne peux pas faire les enfants. C'est là, je dis, mais maman, toi, le pasteur te dit ça, donc le pasteur n'est pas capable de te guérir. Pourquoi? Mais parce que les églises, les religions, en un mot, ne sont pas là pour l'éveil de votre âme, mais ils sont là pour votre élévation, plutôt pour votre, comment on appelle ça, pour juste vous aider à mieux fonctionner dans la vie. Je leur donne crédit, parce que moi, c'est ce qui m'a fait qui a fait de moi un homme ordonné. C'est-à-dire, les valeurs morales. Oui, on va te dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et même là, est-ce qu'ils observent ça? Seuls les témoins de Jéhovah que je respecte, parce qu'eux, ils ont des méthodes comment t'aider à appliquer ce qui est dans la Bible. En dehors du fait qu'ils soient sectaires, en dehors du fait qu'ils disent que ce sont les meilleurs, qu'ils connaissent maintenant mieux que les autres, que leur Bible est la meilleure. Donc, on a des guerres même. Bref, pour conclure ceci, la solution que moi je trouve, elle est toute simple. Je suis noir et fier de l'être. Je suis africain. Je revalorise, j'élève, j'encourage mes frères noirs de revenir à leur religion. Parce que le premier homme qui a été créé sur terre est noir. La première religion qui a été sur terre, c'est le noir. Que nos amis les biblistes, avec la complicité des Romains, ont trafiqué en parlant de la tour de Babel. Monsieur Nimrod, c'était un noir. C'est lui qui fut le premier à avoir créé une tour de Babel qui devait monter, aller défier les dieux. Ça, c'est selon la version des Romains. Or, l'histoire en est autrement. Donc, ce monsieur-là a enseigné à nos ancêtres comment adorer Dieu. Allez-y lire le livre du prophète Enoch. Ce livre existe. Le prophète Enoch va vous expliquer comment l'homme a été créé et quel est le but de la vie de l'homme sur terre. Le but de la vie de l'homme sur terre, ce n'est pas d'aller crier comme des fous ou des aliénés dans les rues au nom de Jésus. Le même est Jésus sur les enseignements du mont des Oliviers dans Matthieu chapitre 5. Il dit quoi? Et Matthieu chapitre 6, autant pour moi. Quand vous priez, ne ressemblez pas à ceux-là qui aiment se faire voir dans les rues, qui aiment crier. Mais toi, quand tu pries, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, rentre dans ta chambre. Et dans cette chambre, j'ai expliqué ça ici. C'est ce que j'ai intitulé la mystique chrétienne. Dans la mystique chrétienne, j'explique à mes amis qui me suivent que la chambre dont on parle, c'est l'intérieur. C'est la chambre intérieure. Sinon, l'apôtre Paul serait devenu fou quand il a dit que le véritable temple de Dieu, c'est ici à l'intérieur. 2 Corinthiens chapitre 7. Et que, selon Actes des Apôtres, le chapitre 13 et le chapitre 4, Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits des mains d'hommes. Il habite dans le temple que vous avez construit. Mais le temple que vous avez construit là, il est en vous. Et comment construire ce temple? On construit ce temple-là par l'initiation. C'est le mot initiation qui dérange nos frères pasteurs. Vous savez ce que ça veut dire initier? Initiation, c'est une formation. Initiation vient de initiare. Initiare qui veut dire que amener quelqu'un à comprendre les problèmes et les phénomènes de la vie. Amener quelqu'un à trouver les réponses à toutes les questions de la vie. C'est ça l'initiation. Mais quand on dit à quelqu'un, oh, je vais t'amener pour faire l'initiation, il ne pense qu'au bouti, il ne pense qu'au bois sacré. Moi, j'ai commencé mon initiation à travers, certes, c'est une honte, parce que j'aurais dû l'avoir. J'avais déjà les bases par mes grands-parents. Mais je suis allé faire ce qu'on appelle le pranayama yoga. C'est là-bas où j'ai eu mon initiation. C'est là-bas où j'ai eu l'éveil de mon esprit. C'est là où j'ai vu Kundalini, le serpent de feu. Ceux qui font le yoga ici me comprennent. Le serpent de feu est monté et j'ai éveillé tous mes chakras. Et en éveillant mes chakras, c'est pour cette raison que j'ai des facultés subtiles, psychiques, qui sont éveillées naturellement. Les gens peuvent vous témoigner. Je leur fais des consultations seulement au téléphone comme ça, ou bien face à face. Quand j'étais en France, les gens peuvent vous dire, il est assis et il pensait que j'allais voir les histoires. Non, non, non, il est là assis, je le parle. Il me montre la photo, il me dit, j'ai dit la vérité. Voilà, voilà, voilà, les dates, tout. Voilà, c'est l'initiation. C'est-à-dire une méthode qui vous permet d'éveiller votre esprit. Et pour éveiller votre conscience, ça passe d'abord par l'obéyaba de la vie. Répondre à toutes les questions. Oh, ces religions-là ne répondent pas à toutes vos questions. La preuve en est que je vous dis, je suis embêté 24 sur 24. Oh, Maître Mouéré, priez pour moi. Oh, Maître Mouéré, j'ai rêvé le pasteur qui est venu m'aider. Alors que quand vous êtes normalement un enfant de Dieu, vous ne faites plus des cauchemars. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous ne pensez plus aller coucher quelqu'un d'autre. Vous pensez coucher avec votre propre femme parce que, ou votre mari, pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle la complicité. J'en parle ici. Mais cette complicité veut dire quoi? C'est l'harmonie de vos âmes. Vos deux âmes sont harmonisées. Et là, l'initiation nous apprend comment harmoniser. Voilà pourquoi les mariages entre un initié et un entre les personnes qui ne sont pas l'autre, l'un initié, l'autre vit avec son bruit. J'en parle. Suivez-moi l'enseignement. Il est ici. Ça ne peut pas marcher. Voyez-vous? L'aliénation, je le répète pour conclure, c'est le fait que vous êtes rentré dans ces éveils d'évangéliques, vous êtes rentré dans les histoires des églises, des religions des Balas, et vous avez laissé vos religions de chez vous. Isis et Osiris n'étaient pas des chrétiens. Ce n'étaient pas des Balas. Horus, celui qu'on a donné le nom de Jésus, était bel et bien notre frère noir. Et leur religion a eu des petites transformations qu'on retrouve aujourd'hui à travers le monde. Et ces transformations, c'est dans le Bouti. On retrouve quelques traces de la première vieille religion sur la planète Terre qui est partie de l'Égypte. Bien sûr, avant cela, c'est parti du continent de l'Océanie qui avait disparu, là, comme vous savez, après l'histoire. J'en parle. Il y a près de 1 200 000 ans depuis Mars. Nos frères rouges, quand ils sont arrivés, les frères rouges, c'était des êtres très avancés. Mais Tétra Mwanga les avait chassés parce qu'ils fabriquaient des robots bizarres, des monstres qui ont créé la zizanie. C'est pour ça qu'on les a chassés. Et quand ils arrivent sur Terre, on leur demande de créer l'homme sur Terre. Oh, Tétra Mwanga. Et quand ils créent l'homme, ils viennent encore le distraire et l'homme ne se précipite à avoir accès à des choses alors qu'on pourrait bien évoluer. Donc, Tétra Mwanga, le dieu de la préscience, remet encore la machine en marche. Parce que c'est un dieu de l'éternité et du recommencement éternel. Il nous donne encore la chance que non. Initiez-vous. Mais c'est à travers l'initiation que vous repartez maintenant à comprendre vos originalités. La religion ne va pas te le dire. Religion, c'est religare, moyen fabriqué par l'homme, chercher à se relier à un inconnu qu'on appelle Dieu. Et quand vous êtes véritablement initié, que vous allez atteindre la sommité, vous verrez que Dieu s'efface, que Dieu n'existe plus. Mais allez-y me dire ça à un religieux, à un pasteur ou à un prêtre, il va dire que vous êtes devenu fou. Mais pas tous les prêtres, parce que les prêtres connaissent ce qu'on appelle la sommité de la divinité, la manifestation de la divinité. Et même, prenons bien ce phénomène. Mon frère, est-ce que tu pries en langue? Moi, je prie en langue. Maintenant, le Saint-Esprit rentre en toi. Et quand le Saint-Esprit rentre en toi, tu as la possibilité de faire beaucoup de choses. Selon Galates chapitre 5. Mais lisez ce livre-là, Galates chapitre 5, du verset 16 jusqu'au verset 24. On nous dit quoi? Mais si les chrétiens suivaient ça en réalité, on ne devait pas avoir de dépravés. On ne devait pas avoir des homosexuels. On ne devait pas avoir de ceci et cela. On ne devait pas avoir des prisons. Voilà pourquoi moi je vous dis, la religion, c'est juste de la politique pour venir vous escroquer votre argent. Pour venir nous donner des programmations et nous coloniser. Oh, voilà, le temps est passé. J'en ai terminé. Je vous permets de poser les questions. Oh là là. Donc, à la question de l'aliénation de l'homme noir, je crois que j'ai répondu aux deux questions. Je vous ai montré les faits par des dates historiques, comment on a été aliéné. Et je vous ai donné la solution. La solution, c'est de vous initier. Vous voyez, il y a la publicité que je fais passer là. Dans toutes mes chaînes, c'est l'une des solutions. Et ça, c'est le deuxième séminaire. L'autre, je m'étais pris trop juste. Mais là, je vous ai donné même un an d'avance. Et là, on a fini, tout est prêt. Il ne reste que vous de payer vos frais de participation. Et là encore, les frais qu'on vous demande là, ce n'est pas comme du macrotage, hein, parce que je vous signale déjà que 1050 euros, ça inclut votre hébergement, ça inclut votre nourriture, ça inclut même les voitures que vous n'allez même pas payer. On va vous amener vous balader dans le site des Monts Saint-Michel et toutes ces histoires-là. Pendant 5 jours, vous allez voir ça où? Ici aux États-Unis, je vous dis, renseignez-vous. Il y a des séminaires qui coûtent 1 100 $ par jour ou 1 100 $ pour 2 jours seulement. Mais là, on vous demande 1050. Et même là, c'est pour pendant 5 jours. On vous donne le véhicule, on vous fait ceci, cela. Donc, la solution que je vous trouve, c'est celle-là. C'est, un, j'ai créé Tata Nzambe, le Tout-Puissant Kana. Pour objectif, bien sûr, je l'ai toujours répété. Protéger la plante sacrée. Laquelle plante sacrée est reconnue dans la Bible? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, quand vous mangez le bois sacré, ça va vous ouvrir les portes. Que ce soit dans le bouti, que ce soit dans le djembe, que ce soit dans n'importe quel, dans le mouiri, le bois sacré va vous ouvrir les portes du subconscient. Et quand elles ouvrent ces portes-là, vous connaîtrez alors le bien et le mal. Ainsi, vous comprendrez ce que les dieux ont dit dans Genèse chapitre 3, verset 22. Maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, là maintenant, connaissant le bien et le mal, empêchons-le de toucher à l'arbre de l'éternité. Mais tais-toi, mon père, une fois vous connaissez le bien et le mal dans votre bois sacré, ou encore à travers le pranayama yoga, c'est-à-dire ce que Dieu lui-même a donné, les religieux le disent, non? Que Dieu donna le libre arbitre à l'homme de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Mais une fois vous maîtrisez ça, l'objectif c'est quoi? C'est d'arriver à l'éternité. Mais voilà pourquoi dans Genèse chapitre 3, verset 22, les dieux dirent que, maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous là, ils ont mangé l'arbre là. Ce n'est pas qu'ils ont couché ensemble. Les yeux se sont ouverts. Tous se sentirent nus. Mais la nudité, je l'explique, c'est parce qu'ils ont découvert la vérité. Mais comme ils découvrent la vérité du bien et du mal, il leur manque un cheminement parce qu'il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y avait l'arbre de l'éternité. Maintenant, nous, quand vous avez franchi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'objectif, c'est d'arriver où? C'est à l'arbre de l'éternité. Voilà pourquoi, deuxième étape de l'initiation, c'est de vous permettre d'arriver à l'immortalité. Voilà l'objectif de l'initiation, l'objectif final. Vous passez par des mutations initiatiques. Qu'est-ce que j'entends, mutation initiatique? Vous recevez plusieurs initiations. Ça peut durer à travers plusieurs incarnations. Ce n'est pas une incarnation. Et ce que je parle, j'ai expérimenté. Je parle des choses que je suis inconnaissant. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, je les vis. Je n'ai pas un livre ici, là. Je ne lis pas des livres, c'est ce que je vous dis. Je parle sous le sceau. La protection de mes grands génies que je viens d'invoquer parce que le live commençait à être perturbé. Et vous ne verrez pas des perturbations ici. Et vous l'avez remarqué, hein, tous ces derniers temps, je les appelle dès que je les invoque. Voilà la véritable connexion. Voilà le véritable enfant de Dieu. Dès que vous pensez, vous l'avez. Mais dans ces églises, vous partez. Ça se passe comme ça. On va vous demander de jeûner pendant 50 jours. Et Jésus est là. Après, le prêtre va te dire, non, c'est toi qui es péché, toi qui es calboigné. Non, il faut revenir. Mais moi, avec mes ancêtres, vous le voyez en live. Il y a des mamans qui peuvent vous témoigner. Il y a des hommes qui peuvent vous témoigner. Je les consulte à travers seulement l'audio. Je demande que tu enregistres. Je te dis, en écoutant seulement ton audio, je te dis qui tu es. Tu m'écris lettre à travers ton écriture, je te dis qui tu es. Ça là, c'est du vis-à-vis. Et c'est ça qu'on appelle la connaissance connaissante. Pourquoi? Parce que j'ai commencé par l'initiation de base, ensuite je suis passé à l'initiation supérieure. Donc, voilà ce que je propose. pour éviter ces aliénations. Mais maintenant, vous, puisque vous avez des problèmes, l'homme noir a des problèmes pour s'en détacher. L'homme noir a des problèmes pour s'en détacher ou bien pour se séparer. Même votre propre Bible ne dit-elle pas que sortez de Babylone la grande, parce que Babylone la grande est en train de s'écrouler. Mais vous n'écoutez pas l'appel. Lorsque j'étais Rastafarian, Rastaman, j'ai suivi le mouvement Rasta. J'ai suivi ce message-là. Babylone la grande, le monde politique, le monde du banditisme, des affaires, et ceci, cela pour vous détourner votre conscience. Mais tant que vous n'avez pas maîtrisé, et tant que vous ne connaissez pas les vérités derrière toutes ces histoires-là, des Illuminati, gouvernement universel pour contrôler les consciences des gens, on crée des conneries telles que les coronas qui vont durer pendant un an. Entre-temps, ils ont déjà le vaccin qui est caché, mais pour éviter la débandade du peuple, toutes ces histoires-là. Bref, tout ça, c'est les véritables connaissances qu'un initié connaît. Tout ce qui se passe autour de vous, l'initié est au courant. Mais pour en arriver là, dans les temps anciens, on disait c'était un prophète. On le dessinait avec une grosse barbe. Ou bien une robe blanche, ceci, cela. Bref, la solution est celle-là. Tatan Zambé le Tout-Puissant, protéger le bois sacré. Ensuite, passer les enseignements comme je le fais, pour le moment gratuitement. Je dis bien pour le moment gratuitement. D'accord? Et enfin, pas enfin, troisièmement, je disais quoi? Il y a les forums. Il y a trois forums là. Il y a près de 706 personnes déjà qui sont incorporées. Certains qui parmi vous me regardent, allez-y vous abonner. Vous aurez également des enseignements pour le moment gratuitement. Quatrièmement, j'anime des séminaires. Le premier, c'était en janvier 2020. Ceux qui étaient en France peuvent vous témoigner. J'étais où? Au Havre. Beaucoup, ça a surpris beaucoup de gens, mais j'étais là-bas. J'ai fait ce que j'ai pu faire. Ils ont dit, oh papa, vraiment, oh là là, vraiment, il faut revenir. Mais là, je repars. Et tout est déjà fait, tout est mis en place. D'accord? Février, du 18 jusqu'au 22 février, je serai là-bas. Du 18 au 22 février 2021. Malgré les coronas, c'est vrai, je serai, je viendrai. Je trouverai les voies et moyens d'être parmi vous. Au Mont-Saint-Michel. Là-bas, cette fois-ci, là, il n'y aura pas la tchatche. C'est juste les vrais secrets de l'éveil. Donc, je passerai aux techniques qui m'ont été montrées, qui font de moi ce que je suis. Les techniques qui font que je ne manque de rien. Les techniques qui font que je peux communiquer comme je l'ai fait devant vous. Vous avez suivi, là. Pendant que mon live est perturbé, à chaque fois, il est perturbé. Même si c'est la chaleur. Mais une fois je parle avec mes génies, comme je l'ai fait là, ils répondent. Vous pouvez le faire aussi. Mais ce n'est pas une affaire d'un jour ou de 10 jours. Je le fais pendant 46 ans. Certains peuvent le faire peut-être après 10 ans, peut-être après 5 ans. L'éveil des Kundalini, le serpent de feu, les livres que vous lisez n'importe comment là. Moi, j'ai eu ça pendant 5 ans. C'est monté jusqu'à l'ouverture de mon 7e chakra. D'autres, il faut attendre même pendant 2 incarnations. Allez-y discuter avec un véritable yogi, un initié du véritable yoga. Prana, yama, yoga, pas seulement le hatha. Voilà alors les solutions que moi je vous propose pour éviter de tomber sous le coup de l'aliénation. Je disais que l'homme noir aime résister. Il a des problèmes de sortie de Babylone. Donc pour vous là qui avez des problèmes de sortie de Babylone, faites ce qu'on appelle chez nous les Gallois, ogolongonche, ogolongombene, ogolongonche, ogolongombene. Ça veut dire quoi? Ah, moi je ne peux pas abandonner ma religion. Oh. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je vous salue, Marie. Donc, vous ne pouvez pas vous en passer de ça. Dans ce cas-là, continuez avec ça et venez toujours recevoir mes connaissances. Je vous répète que ces connaissances ne viennent pas de moi. Je ne suis qu'un canal d'expression par lequel les génies essayent de faire passer ces choses. Parce qu'il fallait qu'ils trouvent quelqu'un au 21e siècle. Je ne prétends pas être le seul. Loin de là. Il y en a d'autres, mais qui ne se font pas voir. Moi, j'ai profité. Pendant près de 40 ans, quand j'étais au Gabon, j'avais toutes ces connaissances, mais je ne pouvais pas les partager. Pourquoi? Parce que je n'avais pas accès à la technologie. Il a fallu la permission des maîtres invisibles qui m'ont donné l'autorisation pour que je vienne faire passer ces choses-là. Et je vous le répète, je ne me prépare jamais. Je ne lis jamais un livre. Les gens qui vous font des conférences, qui vous demandent là-bas 10 000 euros, qui viennent lire des livres, ils sont là. Et un français que vous ne comprenez même pas. Mais vous avez un frère africain qui vient vous parler dans un français terre à terre. Rassurez-vous que lorsque je retrouve Lorsque je me retrouve, au milieu des intellectuels, je ne parle pas comme ça. Je n'utilise pas ce français affordable, pardon, c'est en anglais. Ce français qui est à la portée de tous comme ça, un français simple. D'accord? Je parle en fonction du niveau. Donc, quand je suis à côté des intellectuels tels que mon grand frère, le professeur Wilson, que vous connaissez, nous avons un autre langage. Parce que là, je sais que j'ai affaire à un intellectuel. Vous comprenez? Dans le monde mystique, c'est pareil. Je ne veux pas vous dire, je ne veux pas vous parler des choses scandalisantes, hein, on dit comme ça, ou des choses qui peuvent perturber votre paix de l'esprit, quand je veux vous dire que pour moi, Dieu n'existe plus. Beaucoup d'entre vous vont crier au scandale. Mais ça, je parle seulement à certains mecs qui ont le même niveau que moi. Voyez-vous? Donc, la connaissance a des niveaux d'appréhension et de compréhension et d'apprentissage, de, bref, et de mutations. J'appelle ça des mutations initiatiques. Voilà pourquoi mes deux procédures de l'initiation douce et de l'initiation forte vous sont recommandées pour mieux évoluer. Donc, vous continuez avec Ave Maria, avec votre Notre Père, avec votre Jésus, Alléluia, à gauche, à droite, Jésus, tombe du ciel, viens ici. Et vous suivez également mes enseignements. Ce n'est pas interdit. J'ai donné une enseignement, deux. Il y a trois vidéos ici. Là. Ça s'appelle le syncrétisme incorporé. Syncrétisme. Syncrétisme veut dire, tu prends ce qui est bon ici, tu appliques, si ça marche pour toi, tu avances. Mon grand-père Onouvier, c'est ce qu'il faisait. Le dimanche, il est à l'église. Le samedi, il a mangé son bois sacré le samedi. Et le dimanche, il est là presque avec le kaolin d'un côté, en train de somnoler. Il écoute le prêtre qui parle. C'est ça là qu'on appelle le syncrétisme. Ça veut dire que la religion des Blancs qui est venue vous aliéner, vous venez pour écouter quelque chose peut-être de moral. Parce que vous, les jeunes d'aujourd'hui, là, il n'y a plus cette moralité-là. Vous pédez les femmes, vous pédez les enfants, il n'y a plus de moralité. Vous manquez de respect, vous suivez des films porno, il n'y a plus de moralité. Donc, allez-y quand même à l'église, là. Le prêtre va vous dire le danger de l'homosexualité, le danger de la pédérastie, le danger de la masturbation, tout cela. Mais, entre-temps, tu vas manger ton bois sacré. Parce que quand tu vas aller manger ton bois sacré, ou bien quand tu vas rentrer dans l'homisation, ce que j'appelle dans le yoga homisation, ceux qui sont du yoga connaissent, quand tu vas rentrer dans ton homisation et que tu rentres dans ce qu'on appelle la méditation transcendantale, alors tu verras le changement. Et c'est maintenant qu'au fur et à mesure que tu feras le changement toi-même, que tu feras le choix. Il arrivera un moment où tu dois maintenant choisir là où tu dois partir. Là où tu sens que l'éveil vraiment est de ce côté-là. Et tu pars. C'est ce qu'on appelle un détachement partiel. Oh, t'es à mon gars, on s'arrête. Posez les questions. Posez les questions. Oh, moi, j'en ai terminé. Battery 97%. BlackBerry BB1005 connected. Oh, it's a bomb. La chanson qui vient de passer, c'est une chanson qui me rappelle pas mal de choses. Et ça fait partie des initiations. La chanson qui vient de passer fait partie des initiations que nous avons chez nous en Afrique. Je suis gallois, ceux qui sont gallois comme moi connaissent. Ça, c'est des chansons de l'Okuyi. Ça fait partie des voix de l'éveil de votre conscience. Il faut également s'initier à cela. Maintenant, je vais répondre donc à la question des initiations au Congo. La personne qui me pose la question des initiations au Congo, il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. Personnellement, je connais seulement deux ou trois. Bien. La première que je connaisse, c'est à travers mes voyages que je faisais constamment à Pointe-Noire et également à Dolisie, quand j'étais inspecteur de pétrole, et que je partais jusqu'au Congo, vous appelez ça comment, Congo-Kinshasa, au ZAC, à l'office Zaïrois à l'époque, ça s'appelait comme ça, de la raffinerie de pétrole. J'ai eu le privilège de rencontrer des initiés de deux grandes sectes au Congo, je pourrais dire confréries. Et l'une des confréries, donc, c'est la confrérie du Wamakoku. Il existe des rites. Si vous êtes sur place au Congo, là-bas, dans la zone de Pointe-Noire et de Brazzaville, mais je vous avise, je vous avertis que le cas de la confrérie du roi Makoko, ils sont beaucoup visés. Et on a tué beaucoup de membres de cette famille. Pour des raisons politiques, je ne vais pas rentrer dans les détails. Car cette confrérie détient des grands secrets. Vraiment ce qu'on appelle les vrais secrets. Et j'ai même commis l'erreur de diffuser près de 4 rites de cette confrérie ici. Et ça m'a valu des problèmes parce que l'arrière-petit-fils du roi Makoko a même intervenu pour prononcer des paroles de bénédiction. Problème, c'est quoi? Je l'ai fait avec un bon cœur en diffusant l'un des rites, le rite qu'on appelle le rite du vin. Bon, malheureusement, les gens se sont enrichis. Et alors, je vous parle, ils ont continué à s'enrichir avec ça, alors que je l'ai donné gratuitement. Le rite de l'urine, sauf le rite du sang des testicules de l'homme. Ce rite-là, je le réserve au cours du séminaire, parce que c'est un rite très puissant. Et ce rite demande un face-à-face. Ça, c'est un exemple d'une confrérie que je connais personnellement. Et l'arrière-petit-fils du roi Makoko est un prêtre de cette confrérie. Vous pouvez vous initier, mais seulement, je crois qu'il y a beaucoup de barrières. C'est très compliqué. C'est pire et c'est même plus grave que la maçonnerie, la loge maçonnique. Voilà. Ça m'amène donc à la question de quelqu'un qui m'a posé la question. Pourquoi alors vous portez la bague des francs-maçons? C'est une très bonne observation. Bon, vous êtes sûrement nouveau. Je ne vais pas exhiber ici les 29 bagues et talismans que j'ai. Toutes ces 29 bagues-là représentent tous les milieux mystico-spirituels. J'ai été initié dans 21 au total. D'accord? Mais dans les 21 où j'ai été initié, chacun m'a donné un symbole. Et quand je fais mes enseignements pour le cas d'espèce aujourd'hui, c'est parce que il y a des frères dans le monde invisible qui parfois l'exigent. Vous verrez que certains jours, je ne porte pas cette alliance. Et ensuite, vous posez bien la question, franc-maçon, parce que la franc-maçonnerie a plusieurs loges. J'espère que vous le saviez. Donc, les loges, il y en a des milliers de loges dans la franc-maçonnerie. Et j'ai incorporé l'une des loges ici aux États-Unis que vous ne connaissez pas. Et donc, cette loge qui est la loge de la connaissance véritable liée avec les connaissances égyptiennes, parfois, je mets ce symbole en moi. Mais loin de pouvoir être une bague pour mystifier quelqu'un, ça n'a rien à voir. Vous n'avez peut-être pas posé la question sur la deuxième, qui représente la loge universelle blanche. Voyez-vous? Mais cette loge universelle blanche, j'ai suivi les initiations là-dedans. Mais il y a des frères qui me suivent. D'accord? Vous ne m'avez pas posé celle que je porte à ma main droite. Bref, je peux vous montrer, il y en a près de 28 au total. Hein? Ça va nous amener loin. Donc, rassurez-vous, vous me posez la question, je réponds. Rien n'est tabou. Je ne peux que vous répondre honnêtement. Où trouver l'iboga en Suisse? Je crois que c'est peut-être la 10e fois que les gens me posent cette même question. Je connais beaucoup de personnes qui sont en Suisse, mais malheureusement, les personnes que je connais là-bas, c'est juste des amis. J'ai des frères on se connaît dans le monde des arts martiaux. Hein. Donc, j'ai par exemple un frère qui est un expert, qui enseigne les arts martiaux en Suisse. Et j'ai également une camarade, une ancienne collègue de l'école. On est au lycée technique jusqu'en terminale. Bon, elle a fait ses études supérieures. Elle est médecin en chef en Suisse. J'ai également des amis qui sont avec moi sous le baba, dans nos forums là-bas, qui étaient avec moi en France, qui vivent en Suisse. Mais malheureusement, tous ces mecs-là, ils ne sont pas initiés du Bouiti. Maintenant, je vous avais dit qu'en France, nous avons un frère. Il faut me contacter en privé. Je vais essayer de vous donner le contact de ce frère-là. Peut-être qu'il pourra vous aider. OK? entre la Suisse. Je sais que la Suisse, ce n'est pas interdit d'avoir les bougas, mais en France, c'est interdit. Mais ce frère-là fait les voyages entre l'Allemagne, la Suisse et tous ces pays d'Europe. Donc, lui, il pourra vous aider. D'accord? Quelqu'un a fait l'observation, je crois que ce n'est même pas une question, sur l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, certes, a été défavorable pour l'homme sur Terre. Quand je parle de l'homme, c'est-à-dire de manière générale. Mais nous sommes à l'ère du Verseau. Mais vous avez oublié ce que vous parlez de l'ère du Verseau. Qu'on appelle ça. L'ère du Verseau, je ne pourrais pas, je ne suis pas d'accord que ça a été défavorable. Je voulais pas là plutôt parler de l'ère du poisson. Bien, mais j'ai cru lire sur l'écran que vous me parliez de l'ère du Verseau qui a été défavorable. Mais je comprends votre analyse. Pour moi, c'est l'ère du poisson qui était défavorable parce que l'ère du poisson ouvrait le chemin vers l'ère du Verseau. Hmm? C'est à l'ère du poisson que beaucoup des jalons ont été posés. Mais ça, c'est du point de vue religieux. Avant cela, avant l'ère du poisson, mais il y a eu d'autres ères où la connaissance coulait à flot. Voyez-vous, c'est vrai que l'ère du Verseau a été une ère défavorable. No, you're fine. You can watch it later on, you know. Yes, it's me, it's my bad. I came late, so. Donc, l'ère du Verseau a été défavorable, je comprends, du point de vue religieux, défavorable par rapport à l'élévation et à la conservation de nos pouvoirs au niveau de l'Afrique et de conserver et de garder nos religions et nos croyances. Aujourd'hui, nous n'aurions pas une société dépravée, nous n'aurions pas toutes ces manipulations de lois où on vient nous imposer des choses. Nous ne serions pas des esclaves dans tout le sens. Voyez-vous, si les gens auraient suivi Nkrumah, si on n'aurait pas tué Nkrumah, si on n'aurait pas tué Kadhafi, si on n'aurait pas tué Sankara, parce que ces gens que je cite les noms, et bien d'autres, le roi Makoko, certes, et il est mort bien naturellement, mais après lui et avant lui, il y a d'autres qui ont été pourchassés. Vous vous rappelez la lutte entre le roi Makoko. C'est le roi que je maîtrise mieux l'histoire. Savonia de Brazza, pourquoi il est venu au Congo? C'était pour faire quoi? Donc, il y a eu de la résistance. À l'ère du Verseau, aujourd'hui, certes, au début du 18e, 19e siècle, a été défavorable, mais je vous le dis, le 21e siècle, comme le disait Bill Clinton, qui avait lancé l'ère de la mondialisation, on appelle ça en anglais the globalization. Donc, the era of globalization is the era of knowledge, and the knowledge will awake your mind, will awake your conscience. L'ère de, comment on appelle ça, le 21e siècle, c'est le siècle de l'éveil, c'est le siècle de la connaissance, et la connaissance va vous éveiller, la connaissance va vous ouvrir toutes les portes. C'est là on a pensé au 3W, www.com. C'est le www.com qui a fait qu'on devienne un village planétaire. Là où je suis ici, à Dayton, Ohio, eh bien, vous me recevez depuis Oyem ou Abitam, ou bien vous me recevez à Dolisi, au Congo. Voyez-vous, c'est grâce à cela. Mais dans le plan spirituel, ça devait se faire. Je suis ici, je connais un jeune Sud-Africain qui fait la même chose comme moi. Il est beaucoup persécuté en ce moment, mais il va s'en sortir, qui est un initié également. Il a reçu les grandes initiations que M. Mandela avait reçues, Madiba. Il y a un autre que je connais également au niveau du Burkina Faso. Je crois qu'ils sont trois. Des jeunes, hein? Ils sont même plus jeunes que moi. Hein? Et il y a un, au Sénégal, ils sont nombreux, qui sont plus âgés que moi. Vous connaissez Doumbia et bien d'autres. Donc, rassurez-vous que l'ère du Verseau qui était défavorable va être l'ère favorable pour nous. Mais pour que cela soit favorable pour vous, chers jeunes, je sais que près de 75, voire 78% qui me suivaient là, vous êtes tous mes petits-enfants et l'âge de mes enfants. Voyez-vous? La majorité qui me suivait en ce moment, je vous vois là depuis votre appartement. Je vois tout le monde clair ici. Vous êtes tous des jeunes. Mais faites tout pour que ceci vous soit favorable à l'ère du Verseau. Mais cette ère du Verseau, c'est justement, c'est la rébellion intellectuelle. C'est le réveil intellectuel. Ce n'est pas le réveil des évangéliques. Non, non, non. Ça, c'est la vision des religieux. On est fatigué de ces credos-là. Le Jésus qui vont continuer d'attendre. Entre-temps, les Juifs, eux, ils se défendent avec les armes. Quand il y a l'ennemi qui vient, ils soulèvent leurs armes, les bazookas, ils tuent. Ils sont la troisième puissance mondiale actuellement. Ce sont les Juifs. Voilà. Mais nous, on continue à crier le même Jésus pour attendre que le Gabon s'établisse, pour attendre que quelqu'un, je ne sais pas, vienne vous donner le pouvoir au Gabon. Voilà, c'est Jésus qu'on crie. Voyez-vous? Donc, moi, je dis, je ne suis pas contre cela. J'ai mes connaissances là-dessus, mais je ne veux pas offenser mes frères. OK? Moi, je suis arrivé au stade où je ne fais plus Rolo-Gonche-Rolo-Gombele, c'est-à-dire un pied là-bas, un pied ici. Je ne fais plus le syncrétisme. J'ai fait un choix. Et ce choix-là m'a montré le vrai chemin. J'ai vu clair, j'ai vu tout ce que j'ai vu. Voilà. Et j'ai vu celui-là que vous appelez Dieu. J'ai vu même celui-là que vous appelez Jésus. Je sais qui il est. Je vous ai dit que c'est un être égrégorique. Il a été créé par les Romains. Et en l'occurrence, M. Ptolémée sur Terre. Pardon, je ne vais pas revenir là-dessus. Que faut-il faire alors? Est-ce qu'il faut rejeter définitivement toutes les religions? Mais qu'est-ce que vous m'avez pas suivi quand j'ai tiré la conclusion? Je vous ai dit que oui, c'est la réponse, oui. Mais j'ai dit, mais comme l'homme noir a l'esprit de réticence, a l'esprit de qu'en dira-t-on, il a peur. C'est ça qui tue l'homme noir. Quand on vous demande que Jésus n'existe pas, oh, mais si on oublie quand même, oh non, quand même, le Jésus là, oh, toi si, mais toi si, toi si. Oh, oh, oh. Mais l'histoire de Jésus existe depuis combien de temps? Ça a été inventé par Ptolémée sur Terre, c'est son effigie. Ça existe depuis l'an 1 du mois d'octobre, selon les documents officieux. Et selon Josephus, grand écrivain du 1er siècle, ce mec-là, qui a existé jusqu'à l'an 69 de notre ère. Lui, il a vécu, il a vu toutes ces histoires-là. Il a écrit à sa manière, même si je ne suis pas d'accord sur certaines choses. Mais il a quand même dit une part de vérité. Il a même mis en doute les datations de la naissance de ce fameux Jésus. Vous voyez combien de gens, même le mensonge, même les rattrape dans la fabrication de ce Jésus. Alors que tout le monde sait que Horus est né de manière immaculée, de manière miraculeuse par Isis, notre première maman, laquelle a été rattrapée pour devenir Marie, la Vierge Noire. Enfin, la Vierge Blanche. Et le papa, c'était qui? C'était Osiris. Osiris, dont le pénis a été coupé, découpé par son frère, machin, Seth, que les chrétiens ont appelé maintenant Satan. Je répète ça tous les jours et vous ne voulez pas comprendre? Il y a les documents qui sont là. Demandez à mon professeur, mon frère, l'historien, la Gomez, il va vous le confirmer. Parce que lui, avant d'être savant, il est savant, mais il a même été un égyptologue. Demandez-lui, si ce que je vous raconte, c'est n'importe quoi. Je n'ai jamais discuté avec lui personnellement. Mais par coïncidence, je l'ai vu suivre là, parler des histoires du Gabon. Et c'est comme ça que j'ai commandé certains de ses livres. Mais c'est venu confirmer tout ce que j'ai dit depuis des années et des années ici. Que l'affaire là de Jésus, c'est une fabrication pure et simple. Hein? Et il vient de traiter nos histoires de mythes. Bref, je ne vous demande pas, d'accord, de rejeter vos religions si vous avez de l'émotion. Parce que je sais que ça qui tue l'homme noir. On est trop émotionnel. On a peur. Allez-y me suivre ma vidéo sur comment sortir ou bien comment démissionner d'une secte ou une religion. Que faut-il faire? Allez-y me lire, suivre ça. Ah bon, si vous êtes nouveau, pardonnez-moi. Mais les anciens connaissent. J'explique le comment. Les génies m'ont expliqué ce qu'il faut faire. Le protocole est là et je l'ai fait moi-même. Aujourd'hui, je suis free indeed. D'accord? Donc, à votre question, faut-il quitter définitivement? Je ne vous ai pas dit cela. Je vous ai donné la suite. Parce que je sais que l'homme africain a l'émotion. Mais l'homme blanc, quand il dit niet, c'est niet. J'ai même discuté avec quelqu'un. Oh, le type là, il a divorcé 6 fois. Mais quel est ton problème? Qu'est-ce que tu as le juge même s'il a divorcé 10 fois? Mais parce que quand ça ne va pas, il part. Il n'est pas là à avoir l'émotion. Oh, maman, vraiment, la maman, là, me faisait les matoukas. Moi, je vais faire comment je... Non! Ce que vous cherchez, c'est la paix. Toute initiation, ce que vous cherchez dans toute initiation, c'est d'avoir cette paix intérieure. Et ensuite, ne plus être un ignorant. C'est-à-dire, ne plus trop chercher à poser des questions. Moi, je vous dis, moi, je ne me pose plus de questions. J'ai la réponse à tout. Dieu vous le dit la vérité. J'ai la réponse à tout. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est la vérité. En tant qu'initié, je ne me pose plus de questions. J'ai besoin d'un business. Je l'ai eu. Je suis allé voir, certes, mes frères maçons. Je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai besoin d'un prêt de 78 000 dollars, donc l'équivalent à peu près de 40 000. Oh, mais ça, c'est rien, là, signé. C'est fait. Mais j'ai remboursé ça 2 temps, 3 mouvements. En 7 ans, j'ai remboursé leur argent. Après, je leur ai dit, j'ai claqué la porte. J'ai demandé quelque chose là récemment, je l'ai eu sans problème. Pourquoi? Mais parce que j'ai atteint le niveau où je n'ai plus le temps de me mettre à genoux, de crier. Je ne peux pas vous le répéter, les niveaux d'éveil de la conscience sont différents. Il y a certains qui sont soi-disant des maîtres maçonniques, qui disent, oh, je suis maçon, je suis maître. Mais ils viennent encore me voir, oh mon petit, mon pied, mon troisième pied est tombé, moi je ne sais pas. Oh, toi tu es maître et puis tu ne connais pas comment redresser ton troisième pied? On a vu ça où? Un véritable maître? Mais franchement, même si j'ai 100 ans, je saurais comment faire monter mon troisième pied. Voilà un véritable maître. Maître veut dire celui qui maîtrise. Il maîtrise son domaine, mais il maîtrise l'autre domaine. Ah oui, j'ai fait bac G2. Je ne connais même plus quelque chose sur la gestion, mais j'ai des bases. C'est là où j'ai fait le bac G2. Mais je suis allé faire instrumentation lycée technique. Et plutôt HL. Après instrumentation, j'étais devenu ce qu'on appelle contremaître des chargements. Est-ce que c'est ce que je suis allé faire à l'école? Non. Mais j'ai tout accumulé, j'ai appris. Voilà un véritable maître. C'est celui qui maîtrise tout. Au travail, on m'appelle professeur. Je leur dis, mais pourquoi? Dis non, parce que toi, tu connais tout. Même les médecins, en chef, ils viennent me voir. Bref, je crois avoir répondu à toutes vos questions. Mais il y a des questions que j'ai sautées. J'aimerais que vous reveniez là-dessus. Il y a des questions. Parce que j'ai vu beaucoup, il y avait une longue question là. Quelqu'un a posé vraiment des questions très importantes, mais malheureusement... Bon, sur, je vais revenir sur les initiations au Congo. Je disais donc qu'il y a ce qu'on appelle... la confrérie du roi Makoko. Mais en dehors de ça, il y a des initiations. Il y a les Bateke au Congo, vous savez cela. Il y a l'Onzobi. Il y a l'Onzobi au Congo. Saviez-vous que Franceville, que vous voyez là, Franceville, qui est devenue l'une des villes au Gabon, c'était normalement, Franceville faisait partie du Congo avant. Et Pointe-Noire que vous voyez là, était au Gabon. Mais comme je vous l'ai dit, la réunion de 1885, venir nous écraser, venir nous bombarder de ceci et de cela, des programmations, pour mieux profiter. Voyez-vous? Donc, il y a certains, pour leurs intérêts, ont décidé de décider ça comme ça. Mais je vous dis qu'il y en a près de 7. Je disais, je connais 3. Donc, je vous ai parlé de la chevalerie, la fraternité ou la confrérie, autant pour moi, du roi Makoko, qui existe. C'est organisé, ils ont des prêtres, ils font des rites. Vous allez, vous y introduisez. Mais attention, il faut être de la famille. Moi, j'ai le privilège de ne peut-être pas être de la famille, mais je suis coopté déjà par un membre. Et c'est un membre de la famille. C'est différent. C'est comme la loge maçonnique, non? Quand vous rentrez, il faut connaître quelqu'un, tu ne vas pas rentrer là-bas n'importe comment. D'accord? Et il y a les rites de Kikongo. C'est, il y a aussi une machin comme ça, là. Le Kikongo, là-bas, ils en ont, chez le peuple Kikongo. Hein? Ils ont l'Onzobi, d'accord? L'Onzobi qui est également retrouvé au Gabon. On le trouve là-bas, chose. Et même l'Onvette. On retrouve l'Onvette au Congo, saviez-vous cela? Moi, j'ai vécu au Congo, j'ai rencontré des femmes du Congo, j'ai rencontré des Bakota, j'ai rencontré, sauf les Ngomiane, ils ne sont pas là-bas. Les Ngomiane, on les trouve beaucoup plus de la zone de l'Ouganda vers le Centrafrique et tout ça là. Bon, nous savons tous que les Ngomiane reviennent du lac Tanganyika. Mais le peuple Kang, notamment les enfants, c'est comme ça on les appelle, enfants, donc N-F-A-N-G, eux, on les trouve dans toutes ces zones jusqu'au Congo. J'ai vu moi-même. J'étais surpris, il y a les Bapounou, il y a les Vili. À Pointe-Noire d'ailleurs, c'est la capitale des Vili. Voilà pourquoi. Vous verrez que dans la zone de Mayumba, il y a plein de villes. Mais parce que Pointe-Noire et Mayumba, ce n'est pas loin. Bref, vous qui êtes au Congo, vous avez l'Onzobi, vous pouvez vous initier au Onzobi. D'accord? Et vous avez la confrérie du roi Makoko. Et je vous informe que dans la confrérie du roi Makoko, il y a une compilation de certains rites du Onzobi qu'il lui-même, il pratiquait. Voyez-vous? Et il y a également le rite des Pygmées. Dont monsieur Omar Bongo. Quand Gomez parlait de ça, mais moi j'étais au courant. Omar Bongo, qui était pygmée, pardonnez-moi, ce n'est pas une insulte, hein, et il ne voulait pas qu'on en parle. Lui également, il avait diffusé ce rite-là à certains Français. Voilà pourquoi on l'invoque là-bas au Quai d'Orsay. Ceux qui sont en France, au Quai d'Orsay, au ministère de l'Intérieur, on invoque qui? On invoque Omar Bongo. On l'invoque pas parce que il était président du Gabon. On l'invoque parce que c'est un pygmée qui avait une secte très puissante. Il était membre au courant de ces machins-là. Et il maîtrisait. Voilà pourquoi tout le monde tremblait devant Omar Bongo. Omar Bongo, ce n'est pas n'importe qui. Ah oui, même quand je vous parle, là, j'ai la chair de poule. Ce n'est pas n'importe qui. Bref, donc vous avez tout cela au niveau du Congo, vous pouvez exploiter. Ai-je répondu à toutes les questions? Je ne sais pas. Pardonnez-moi, mais je crois que c'est celle-là que j'ai vue devant l'écran. Maintenant, vous avez posé, j'ai vu sur l'écran une question sur la bague magique en France. Le tribalisme. Non, laisse-moi ça. Le tribalisme, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas le tribalisme au Gabon? Il y a le tribalisme au Gabon aussi. Oh, moi, là, je suis Ngobéné. Et en plus, Dieu merci, j'ai un mélange compliqué. Parce que ma grand-mère est née de mon arrière-grand-mère qui était Benga et de mon arrière-grand-père du côté de ma grand-mère qui était Saké, mais elle était mariée à un Gallois. Teta Mwanga. Et maintenant, quand je vais aller du côté de mon père, lui aussi, c'est compliqué, là. Son père est Gallois, mais sa mère, elle est Benga et Saké. Ma mère a même un mélange vili dedans. Donc, moi, quand je viens, ma mère est Gishire. OK? Mon père est Gallois. Mais je me suis fait initier chez les Bakota. Je me suis fait circoncis chez les Bakota en suivant le rite Kota à cause, justement, de la petite sœur de ma grand-mère Sandia qui était Benga Saké. Mais sa petite sœur qui était Saké épousait un Bakota qu'on appelait un Mbombo Martin. Et laquelle m'avait mis en liaison avec son petit frère qu'on appelait comment l'appelait un bombe non pas un bombo combat vous comprenez, je suis tout à fait exceptionnel là. Donc autour de moi j'ai près de 8 à 9 tribus, je voulais dire dialectes ou langues. 8 tribus puisqu'on parle du tribalisme. Quand je vais à Mekambo, là-bas, on m'appelle un autre nom, on ne m'appelle pas, on nous vient. Et je suis le bienvenu. Chez mon peuple ici, c'est pareil. Chez mes parents gallois où j'ai grandi, côté de mon père, c'est pareil. Donc, le tribalisme existe partout. Il ne faut pas vous inquiéter. Ayez seulement des bonnes connexions. Vous pouvez me contacter en privé. Là, je vais demander la permission, hein, parce qu'il faut demander la permission. Je vais demander la permission au petit-fils du roi s'il va m'autoriser de vous donner des contacts là-bas. Bon. Si, comme vous êtes sur place. Mais en tout cas, tout le monde connaît la famille du roi Makoko, même si aujourd'hui ils vivent dans les forêts parce qu'ils sont pourchassés, on les tue n'importe comment, beaucoup sont en exil, y compris notre petit là dont je vous parle, le petit-fils. Ils sont pourchassés pour des pouvoirs. Il n'y a pas deux fraternités au niveau du Congo aussi puissantes que celles du roi Makoko. Voyez-vous? Bien. La question sur les bagues en France, quelqu'un m'a posé cette question-là, la bague magique. Oui, j'en parle. Et je sais que c'est une femme qui pose cette question-là. Maman, la bague magique dont je parle, ça s'appelle la gemme Atsel. Cette gemme Atsel, elle est produite par un ami personnel que je connais depuis près de 30 ans. Il est reconnu en France. C'est le seul qui est autorisé à exploiter cette pierre. C'est une histoire de la famille, parce qu'ils sont nés là, c'est vraiment une bénédiction. Cette pierre, elle a des propriétés uniques au monde. Elle a des propriétés uniques au monde. Donc, cette pierre, moi je dis pierre, non, mais ça s'appelle la gemme Atsel. Ce n'est pas Axel, c'est Atsel. A-T-Z-I-L, Atsel. OK? Vous vérifiez, hein? Googlez. Quand vous allez faire des recherches sur Google, eh bien, dès que vous allez taper Jean Matzel, vous verrez le nom du monsieur va apparaître. Parce que c'est le seul. Il n'y a pas d'eux dans le monde. C'est une pierre à 1000 pouvoirs. D'accord? Je sais de quoi je parle. Moi-même, je suis porteur de ces objets-là. Je les ai avec moi. J'ai près de 2 bagues, une en or, l'autre en argent. J'ai également l'article le plus cher. Je vous avais dit que ça va jusqu'à 7000 euros. C'est la fameuse chaînette avec 12 planètes, les pouvoirs des 12 planètes et tout ça là. Bref, donc je crois avoir répondu à votre question. Voilà. Cette bague, quelle est votre question? Moi, je ne sais pas. Oui, ça existe. Elle est en France. Et je vous ai donné le nom du monsieur. Hein? C'est M. Canon. Hein? Si vous voulez me contacter en privé pour plus de détails, je vais vous donner son site internet. Vous pouvez commander ça si vous voulez. Mais je vous informe qu'il faut vous taper la poche. Hein? Ce n'est pas des histoires à négocier. Quand il vous dit que c'est 3000 euros, c'est 3000 euros. Il n'y aura pas à dire, oh, moi, je vais payer un peu. Non, non, non. On n'amène pas l'histoire d'un peu là-dedans. D'accord? Voilà. C'est ça. La gemme Atsel de M. Yves Canonge. Voilà, vous avez tout. Tout est au clair. Même si vous tapez Yves Canonge, vous le trouverez. Il est ami avec moi sur Facebook. Si vous êtes mon ami, je vous connecte. Mais il m'a interdit de donner son numéro de téléphone personnel. Mais son numéro de téléphone professionnel apparaît. Donc, vous avez tout. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Pardonnez-moi, ça a pris plus de temps, mais je crois que je vous ai donné plus de temps pour pouvoir parler avec vous permettre de poser les questions. C'était ça l'objectif. Et ce n'était pas de trop vous parler de ce... Parce que je suis trop passionné hein, quand on parle de l'affaire des religions. Là. Je vous dis, ça me passionne beaucoup. Pourquoi? Parce que moi-même, j'étais embrigadé là-dedans. Et une fois de plus, pardonnez-moi du retard. Nous avons pris un retard de 35-36 minutes. Ce n'est pas normal. Là, il est 23h23. Pour ceux qui sont au Gabon, pardonnez-moi de vous avoir gardé longtemps éveillé. Et il est minuit 23 pour ceux qui sont en France. J'apprécie beaucoup, puisque j'ai vu que vous étiez près de 70 personnes branchées en train de me regarder. Je vous remercie beaucoup. Je ne m'y attendais pas, surtout que je n'ai pas fait suffisamment de publicité. Je n'en ai pas besoin parce que vous êtes fidèles à mes enseignements, lesquels enseignements ne viennent pas de moi, malheureusement, mais viennent toujours des génies, des grands maîtres de l'au-delà. Et vous le savez que demain, jeudi, je ne parle pas. Voilà pourquoi j'ai insisté vraiment à faire cet enseignement ce soir. Tous les dimanches, lundis et les jeudis, je ne parle pas. Je ne reçois pas d'appels, s'il vous plaît. Vous pouvez laisser vos voices. OK? Comme je l'ai dit sous le baobab, les choses, il y aura des changements qui vont s'opérer bientôt, mais pour le moment, vous pouvez quand même, si vous avez des services à me demander, vous me contactez en privé. N'allez pas exposer votre problème au public. D'accord? Il faut bien réfléchir. Ce que vous pouvez faire, je vais vous aider. Ce que vous pouvez faire à la fin de cette vidéo, cliquez dans le lien. Et une fois que vous cliquez dans le lien, vous allez vous retrouver. Je parle de ceux qui sont nouveaux. Hein. Bon. Vous allez vous retrouver dans les forums. Vous allez vous retrouver normalement soit dans le forum Telegram ou dans le forum Afrique. Et je crois qu'il y a certains qui ont dû fuir du forum sous le Babab, qui était un moment, je sais pas moi, 257, c'est le maximum. Le Telegram, c'est jusqu'à 100 000 membres. Il n'y a pas 100 000, hein, mais je veux dire... c'est autorisé jusqu'à avoir 100 000 membres. Et je crois, au niveau de l'Afrique, machin, il y a près de 300, si je ne me trompe pas. Donc, quand on fait la totalité, c'est autour de 689 ou 706. C'est ça, c'est en fonction. Il y a des gens qui piquent des petites crises de colère quand je viens tenser, je viens rappeler de mettre de l'ordre. Ils fouillent, ils partent. Mais après, quand ils réfléchissent, « Ah, pardon, je manque le maître Moreau, ah, je veux devenir avec un autre nom. » Attends, la fois dernière, je m'appelais comment? La grenouille en colère. Bon, là, je veux devenir l'agneau qui chante. Voilà. Et les gens me font ça. Je connais. Donc, rassurez-vous. Et quand vous le faites, donc, et que vous rentrez dans le machin, le forum, posez d'abord la question. Suis-je dans le contact de Maître Mouéré ou bien je suis dans le forum? Parce que ça crée beaucoup de confusion. Moi, j'ai vu des gens commencer à me parler de leur pied qui est tombé ou des chiens qui sont tombés, quelque chose comme ça dans le public. Ce n'est pas bon. Posez d'abord la question que, est-ce que je suis bien dans le contact privé de Maître Mouéré ou bien je suis dans le forum public? Et je vous dis, mon administratrice est là 24 sur 24. Moi-même, je suis là 24 sur 24. Même si je ne parle pas, mais mon fils a mon mot de passe. Donc, mon fils va vous répondre. Vous serez surpris, il va vous répondre que oui. Ça vous donnera l'impression que c'est moi qui réponds. Mais en fait, c'est lui. Il va répondre, il va vous dire non. Écoutez, allez-y, me contactez en privé. Il va vous guider. Et si c'est le jour que je parle comme aujourd'hui, je vous dirai que non, suivez-moi en privé, parce que c'est des questions personnelles. Ça a un rapport avec l'initiation, ça a un rapport avec les consultations. Et pour être clair, quand je dis privé, ça veut dire que, généralement, si c'est une question qui a un rapport avec l'initiation, vous payez, et je vous donne le nom. Si c'est une consultation, je vous dis le montant que vous devez payer. Beaucoup le font, en tout cas, ce n'est pas une surprise, ok? Mais par contre, sous le Babab, là, moi, je ne vais pas venir vous dire, voilà, pour ça, il faut plutôt sous le forum, il faut payer ceci. C'est privé, c'est votre vie privée à vous. Okay? Donc, je crois que ça a été clair. Donc, n'oubliez pas, tout est fini, là, sur le prochain séminaire. Je vais dire, quand on dit tout est fini, c'est-à-dire que toutes les vidéos publicitaires sont déjà au public. Ah, la question sur les égrégores, manipulation psychologique, manipulation somatique. Il y a mon fils qui est là. Je l'appelle, comment on l'appelait? Le monsieur qui se chargeait de l'initiation au temple égyptien. Anubis. Je vais l'appeler désormais Anubis. Il y a mon fils Anubis, c'est-à-dire qu'il se charge de vous guider. Toutes les vidéos là, il vous amène. Quand je parle, il vous amène, il vous les balance. Bernardo, vous pouvez le contacter. Il est là 24 sur 24. Il pourra vous trouver cette vidéo où je parle des magies égrégoriques, les égrégores. Donc, j'explique ces histoires des égrégores, c'est-à-dire que les églises sont des égrégores. Ça, c'est indéniable. Personne ne va vous dire le contraire. J'explique ce que c'est l'égrégore. D'accord? Donc, voilà. N'oubliez pas, disais-je, tout est fait. Maintenant, la balle est dans votre camp. Là, je m'adresse à ceux qui sont en Europe. Je vois que quelqu'un me pose la question en Suisse. Vous qui êtes en Suisse, est-ce que vous avez déjà fait vos réservations? Vous voulez venir en groupe? Il y a un prix qui vous a été proposé. Vous voulez venir toute seule ou bien tout seul parce que vous ne voulez pas vous mélanger avec les autres? Tant mieux, on vous a donné moitié prix. Je crois que c'est 600 euros, quelque chose comme ça. Ça, c'est pour votre durée du séminaire. Pendant les 5 jours-là, vous aurez tout ce que vous avez à recevoir. Je l'ai déjà dit, hein, il y a les rites. Donc, je mettrai beaucoup plus l'accent sur les rites. C'est des techniques que vous allez appliquer chez vous. Vous pouvez pratiquer pour obtenir ce que vous voulez. Ceux qui étaient avec moi la dernière fois au Havre, ils en ont profité parce qu'ils ont eu beaucoup, pas mal de secrets qu'ils ont amenés avec eux. Et je crois que beaucoup ne regrettent pas aujourd'hui. D'accord? Et les consultations, les gens me posent toujours des questions sur les consultations. Ceux qui étaient en France le savent. Je me suis rendu compte que tout le monde venait que pour les histoires des consultations. Ça m'a beaucoup fatigué. Ils étaient satisfaits. Mais je ne vous décourage pas. Mais les consultations, ce sera uniquement à la fin. Ne venez pas le premier jour que je commence mon séminaire, oh maître, consultation, même si vous m'amenez 1 million, je ne vais pas accepter. Je tiens déjà à vous aviser. Je préfère en parler parce qu'il nous reste seulement 7 mois. Hein? Est-ce que je me suis trompé? Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Voilà. 6 mois. Exactement. Il reste 6 mois. Disons 7 mois avant la date butoir. Donc, vous avez tout. Le compte PayPal est là et c'est transparent. Moi, je vois. L'administratrice a accès. La délégation de Baobab France voit. Donc, on ne va pas vous voler votre argent. Vous envoyez l'argent, il y a la traçabilité. Il y a la traçabilité. Donc, voilà comment ça va se passer. Il est grand temps maintenant que vous commenciez à faire vos cotisations. Si vous êtes étudiant, oh, moi, je ne gagne pas beaucoup. Vous pouvez commencer à verser même 100 euros ou bien 200 euros et vous aurez les reçus dans votre email. Voilà pourquoi nous avons un email sur le Baobab. Cet email est là et on vous répondra dans l'email que nous avons reçu. Voilà, et vous recevez cela par votre email à partir de votre téléphone. C'est ça le monde moderne et le monde de la transparence. Monsieur Morio Mouvier ne vit pas de ces histoires-là. Ceci a été créé parce que vous m'invitez. D'accord? Vous m'invitez? Ben, ce n'est plus comme les fois du passé où moi je payais mon billet, je payais tout jusqu'à machin. Non. Cette affaire-là, c'est terminé. C'est vous qui m'invitez. Donc, faites l'effort. Faites des efforts. Quelqu'un a parlé de l'ère du Verseau. Vous trouverez des gens rarement qui viennent vous parler sans un livre. Même si j'écris un livre, ce n'est pas le livre que je viendrai réciter devant vous. Moi-même, je suis un livre, je viens vous parler. Alors, vous partez dépenser les 3, 4 000 euros parce que quoi? Professeur tel, et Jésus est là, il vient avec un livre, il va vous dire, il va vous lire le gros français. Des captiques et selon les cacophonies historico-mysticaux de cryptudes, ceci, cela. Et il va vous expliquer toutes ces histoires-là. Non, moi, je ne le fais pas. Je suis un initié qui a vécu des initiations et qui a la connaissance connaissante. Donc, ce que je viens parler, vous avez vous-même déjà choisi les thèmes. Hein? Les thèmes ont été choisis. Et puis, je viens parler de ces thèmes-là. En dehors de ces thèmes, vous me posez n'importe quelle question. Je vous ai dit, et je répète qu'un initié doit être en mesure de répondre à n'importe quelle question. Parce que moi, je n'ai plus de questions. Donc, je trouve des réponses à toutes vos questions. C'est tout. Quel que soit le domaine, hein, en rapport avec la spiritualité, que ce soit les magies vertes, les magies noires, les magies blanches, les magies de ceci, les makishi ou je ne sais pas trop qui, n'importe quel machin, femme de nuit, femme noire, incube, succube. Merci beaucoup, que Tétain Monga vous bénisse, je vous ai trop gardé. Soyez tous salués, bonne nuit. J'ai d'autres préoccupations et je vais pouvoir parler avec mon fils là. Donc, chez moi, il fera encore jour jusqu'à 21h. Là, il est 18h32. Je vais pouvoir vous quitter. J'espère que... Ah! Ça, c'est encore qui vient nous parler de loge, bel machin, là. Ah! Oh, toi, tu nous informes que quoi? En Suisse, là-bas, il y a quoi, ça? Il y a 3 loges francs-maçons puissants. Le bleu, le rouge et la blanche. Le bleu est en Écosse. Ah! Je ne sais pas là, vous ramassez vos informations, mon fils. Les loges, il y en a plusieurs. Hein? Allez-y, me suivre l'enseignement sur la franc-maçonnerie et les crimes rituels et la sorcellerie, y a-t-il un rapport? Allez-y me suivre ça, je vous donne bien l'histoire, mon fils. J'ai été initié là-dedans depuis 1974, je connais de quoi je parle. Là, vous venez me parler que non, il y en a 3. Oui, il y a peut-être 3 principales, mais est-ce que vous savez qui sont membres des loges bleues? On trouve ça là-bas en Écosse, vous dites. Oui, mais le rite écossais, savez-vous là, pourquoi on dit que le rite écossais? Ça a commencé là-bas, en Écosse. Le rite écossais, c'est le rite original qui a été formé par ces Écossais-là et les Anglais, et ils ont trafiqué ça à partir de la cabale originale, pratique. Tous les rites maçonniques sont des rites cabalistiques. Voilà pourquoi, c'est l'une des raisons pour lesquelles la cabale, normalement, est au-dessus de ces histoires-là. Ils prennent, ils volent les rites, ils prennent le roche à droite pour prendre ces rites-là pour mieux renforcer leur pouvoir. Et l'objectif, vous connaissez. Je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai du respect pour mes frères maçons qui me regardent là, parce qu'il y en a au moins 4 qui sont en train de me regarder. Alors, qu'est-ce que vous voulez, ma chère? Ah, vous informez les gens? Oui, on connaît tout ça. Il ne faut pas parler de ces choses-là. Bon, il n'y a rien de tabou ici, mais je m'en pour vous dire qu'il y a une différence entre la franc-maçonnerie en tant qu'entité principale et les loges maçonniques. Mais vous savez la couleur de la loge du Gabon? La loge du Gabon, à quelle couleur? C'est ça? Donc, si vous me dites seulement 3 couleurs, je dis non. Parce qu'au Congo, ils ont leur couleur aussi. En Afrique du Sud, ils ont leur couleur. Ici, aux États-Unis, ils ont leur couleur. La loge bleue, normalement, c'est cette loge-là où il y a les femmes. Peut-être vous ne le saviez pas. Hein? C'est là où les femmes rentrent, la loge bleue. Bon, bref. Merci pour l'information. Je ne suis plus un maçon, comment dirais-je, à plein temps. J'étais, et ils savent que je suis au-dessus de cela. La maçonnerie, ce n'est pas le monde spirituel. Hein. Retenez cela, ce que je peux vous dire en conclusion, que la maçonnerie, ce n'est pas le chemin de l'éveil véritable de votre cheminement spirituel en vue d'atteindre la cime supérieure où Dieu n'existe plus pour vous parce que Dieu s'est transcendé en vous. Vous êtes Dieu exprimé. D'accord? La maçonnerie ne fait pas ça. La rose-croix est sur le chemin de vous le permettre. La rose-croix est à peu près sur ce cheminement-là. Donc, la rose-croix est beaucoup plus spirituelle. La franc-maçonnerie est beaucoup plus fraternelle. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ce qu'il faut retenir, c'est cela. Et dans cette fraternité, bien sûr, c'est la mafia d'aller piller l'Afrique, la mafia de vous embrouiller vos cerveaux, surtout les jeunes, là, vous qui êtes des étudiants, parce que tu vas avoir ton master ou ton doctorat, on va te dire, non, il faut rentrer dans la loge. Comme ça, là, ils vont commencer à préparer ton cerveau pour que tu étudies le système économique de chez eux. Et quand tu vas venir en Afrique, ils vont tout te contrôler et ils vont faire de toi président du Gabon ou bien du Congo avec leur théorie, avec leur embrigadage, ce que moi j'appelle lavage de cerveau, ou encore la désintellectualisation. Est-ce que le mot existe en français? Mais c'est moi qui sors ça comme ça. La désintellectualisation veut dire quoi? Ton intellect africain est complètement calboigné. On l'enlève et on t'impose. C'est pour cela, tous les jeunes, vous qui êtes en Europe, qui êtes ici aux États-Unis, c'est dans le but, c'est ce but-là pour lequel on vous demande de rentrer dans ces loges-là. Parce que dans ces loges, il y a des économistes qui ont des idées fascistes, qui ont des idées capitalistes, qui ont des idées socialistes, ceci, cela. En France, c'est la même chose. C'est pour cela, vous voyez la grande loge de l'Orient, la loge de ceci, de gauche, de droite, tout ceci avec des philosophies, des gens précurseurs qui ont créé ces histoires-là dans leur machin. Que Tétan Monga vous bénisse. Bonne soirée à tous. Merci encore. Merci. Au revoir.